on a quelques nouvelles de fast-food à se faire, Steph. Ouais. Des produits qui s'en viennent, des affaires que peut-être qu'on va pouvoir essayer ensemble un jour dans une future chronique spéciale. On verra bien comment qu'on fait ça, des chroniques une fois de temps en temps de cette sorte-là. Donc, c'est aux États-Unis. Bien sûr, c'est toujours aux États-Unis. C'est des barres de chocolat avec à l'intérieur du croche à l'orange et du Dr. Pepper. Est-ce que tu as vu passer ça? Hein? Ça a l'air fantastique. Les liens sont sur assemblagerequis.com si vous voulez suivre en même temps que nous. Je les ai postés plus tôt aujourd'hui. Donc, assemblagerequis.com, ils sont dessus là, dans l'ordre. Et si jamais vous voulez voir le programme, on a les heures approximatives. Donc, on a à 13h une grosse pointe à l'adresse. 13h15, une grosse pointe à l'adresse. À 13h30, une grosse pointe à l'adresse. Et ça continue comme ça jusqu'à 14h30, mais c'est approximatif. C'est ça. Et tu vois que c'est tellement approximatif qu'on est encore dans la première puis rendu 13h30 pour nous en direct. Ah, c'est n'importe c'est quoi. Comme ça. Donc, c'est ça. Des barres de chocolat avec à l'intérieur de la liqueur, des chocolats remplis. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas grand détail à dire de plus, mais c'est par la compagnie Turin, T-U-R-I-N. Et j'imagine qu'on va voir ça arriver un jour ou peut-être qu'on va pouvoir s'en commander sur eBay parce que ça a l'air délicieux. Oui. On dirait des rouleaux, je trouve. Non, parce que Rolo, c'est comme plus solide à l'intérieur. Ça, ça a l'air de couler. On dirait comme du miel qui coule sur le côté ou du caramel à saveur probablement d'orange ou de Dr. Pepper. Ça a l'air solidement bon. Vraiment, c'est pour ça qu'on en parle. Ensuite, il y a une femme qui a été prise en otage et qui a utilisé une commande de Pizza Hut pour envoyer des messages pour demander de l'aide. Donc, elle était prise en otage par son copain avec un couteau. Et ses trois enfants aussi. Et elle utilise la seule méthode de communication qu'elle avait de disponible pour elle, c'est qu'elle elle a marqué 911 Hostage Help et Please Help Get 911 to Me, qu'elle a ajouté à sa commande en ligne de Pizza Hut. On peut ajouter un petit champ de commentaires en bas d'une commande, dire, mettons, sonner ou passer par en arrière, ou des trucs comme ça. Donc, les enquêteurs du bureau du shérif disent que le message est arrivé lundi après-midi avec une commande en ligne pour une petite pizza classique faite à la main avec pepperoni. Selon WFLA.com. Parce que ça change tout. Il y a clairement un message caché dans la pizza. Avoue que si je ne l'avais pas dit, les ingrédients, tu m'aurais demandé c'était quelle sorte de pizza. Oh, c'est clair. Ça aurait été ma première question. Et dans les instructions spéciales, donc, on demandait de... En fait, la plupart des gens mettraient leur vinaigrette ranch dans les sections commentaires. Ouais. Ajoute-moi une vinaigrette ranch. Mais non, c'est pas ce qu'elle a écrit. Donc, les travailleurs chez Pizza Hut, les employés ont vu la commande. Ça venait d'une cliente régulière, donc ils reconnaissaient la fille. Okay. N'importe qui aurait écrit ça, ça veut pas dire qu'il aurait envoyé de l'aide, parce que ça pourrait être une blague. Alors qu'une commande, une femme régulière, une cliente régulière, premièrement, tu sais qu'elle a pas tellement de goût, mais tu sais qu'elle est honnête. Puis en plus, tu sais qu'elle peut probablement pas se sauver, parce qu'elle doit être immense, si elle commande toujours chez Pizza Hut. Oui, oui. Bon point. Donc, son copain était à la maison armé d'un couteau. J'ai pas besoin des détails sur la violence et tout ça. Mais la police a réussi à le convaincre de ne rien faire après 20 minutes. Et on a réussi à retirer les enfants de la maison. Le copain est apparemment high, drogué de méthamphétamine. Et il s'était chicané pendant la journée. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant, dit le gérant du Pizza Hut. Pas fou? Pas fou du tout. Ensuite, t'as peut-être entendu parler, en fait, peut-être pas, étant donné que toutes les nouvelles, pas ma main, hein, mais qu'il y a eu une grosse... Une grosse controverse. Il y a une grosse. Mais en fait, quand tu regardes le pot de crème glacée, c'est un méchant gros pot de crème glacée, mais il y a eu une controverse parce qu'il y avait des trucs potentiellement fatals dans la crème glacée Blue Bell Ice Cream aux États-Unis. C'est la crème glacée Blue Bell qui a été retirée des tablettes. Mais il y a une fan de Blue Bell qui a gardé 2 demi-gallons de crème glacée dans son congélateur et elle en mange un petit peu par semaine. C'est du. C'est pas Listeria, oui, c'est Listeria. Qu'il y a à l'intérieur de ces crèmes glacées Blue Bell. C'est pour ça qu'on les a retirés du marché. On s'entend que l'hystérie, c'est pas quelque chose que tu veux avoir ou que tu te dis, ben, au pire, je l'attraperai puis je m'en débarrasserai plus tard. T'sais. Ben, pas genre, vraiment. T'en veux juste pas. Hein? Donc, bref, cette femme-là a 2 demi-gallons dans le congélateur et elle en mange un petit peu par semaine. Hein? Tu sais? Comment est-ce qu'elle sait qu'elle tombera malade? Ben, elle dit, je connais les symptômes de la listeria, donc j'espère ne pas l'attraper. J'ai plus confiance que d'autres choses. Tu sais, les gens aux États-Unis en fait partout. Tu sais, quand t'as commencé, il y a une grosse, là. Ben, c'est une grosse conne. Ben, genre. Il y en a une grosse. Elle se fie à Dieu, je pense, tu sais. Ah, je vais jamais mourir. Voyons, il va jamais me donner de listeria. Voyons, non. Donc, c'est ça, les contenants ne l'ont pas rendu malade encore, mais ça veut pas dire que le reste du galon n'a pas de listeria à l'intérieur. Donc, vous pouvez aller retrouver l'entrevue sur assemblagerequis.com et vous faire votre propre opinion. Ensuite, Chili. La nourriture? Le restaurant, en fait. Fait que ni l'un ni l'autre. Ah, je suis complètement fou. C'est dans le champ, complètement. Donc, Chili qui a changé un petit peu sa nourriture pour que les clients postent des photos sur les réseaux sociaux. Ah. Hein? Donc, tu mets une belle assiette devant quelqu'un au restaurant et c'est clair que la première chose qu'ils vont faire, c'est taguer sur Instagram hashtag foodies. C'est plus ce que tout le monde fait à chaque foodies. Donc, Cheese Grill and Bar a refait un petit peu ses plats pour plaire aux Instagrammers, selon Bloomberg. Donc, servir des frites, par exemple, dans des assiettes en stainless steel, percher des burgers très, très haut sur une assiette, donc le plus haut possible, avec une structure pour les faire tenir, cure-dents ou peu importe, et utiliser des pains qui sont beaux à la caméra. C'est fait exprès pour être pris en photo. Donc, Chili's dit avoir dépensé 750 000 $ par année sur du egg wash. Donc, c'est un... que tu badigeonnes d'œufs. Ouais, pour dorer ton burger, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, ça fait que le burger est très beau, ça brille. C'est shiny, dit Wyman Roberts, le CEO de chez Brinker International, la compagnie parent de Chili. C'est ce qu'il a dit à l'Associated Press. Donc, c'est ça, on sait, les gens, quand ils regardent Instagram, ils vont regarder les photos, ils vont regarder l'apparence des choses. Et si c'est marqué hashtag Chili's, ils vont aller manger chez Chili's. Je sais pas, moi, je trouve que le pain, il a juste l'air overgrown. Gras. J'avoue. Et un petit peu trop doré, je trouve. Oh ouais, c'est trop cuit, ça. Trop cuit. Et ouais. Tu vois que c'est pas tout à fait droit. Donc, je sais pas, moi, j'aurais sorti une règle ou un niveau pour mettre le burger bien droit. Ouais, mais tu sais, des fois, tu t'enfarges des fleurs du tapis en allant le porter à la table. Puis, je sais pas. Tu sais, là, faut faire attention à les cure-dents. S'il y a un client qui s'étouffe avec, là, après ça, ils vont t'actionner. Tout à fait vrai. Et t'as vu que cette photo-là vient vraiment de l'Instagram de Chili's. Et moi, je trouve que la salade n'est pas fraîche là-dessus. C'est à cause du fromage, du vieux fromage qui a coulé dessus, je pense. On pourrait critiquer longtemps, mais allez voir le lien sur assemblagerequis.com pour le voir de vos propres yeux vus. Bientôt, vous allez pouvoir tweeter l'émoji de pizza à Domino's pour vous faire livrer de la pizza. C'est pas fantastique, ça? Non. Non. Donc, si vous êtes un client de chez Domino's, d'accord, et que vous aimez les emojis, les icônes de nourriture, etc., vous n'aurez même pas à lever un doigt pour commander une pizza sur Twitter. Ben oui, il faut que tu enlèves un. Il faut que tu mettes... Ouais, mais t'as même pas besoin de le lever tant que ça, parce qu'en tant que tel, tu peux comme juste frotter l'icône. T'es tout le temps sur les... T'sais, les gens parlent plus en texte, ils parlent en émoticône, t'sais, en emoji. Ben oui. T'as juste, ploup, juste à te passer le doigt dessus. Ah. Marre. Donc, c'est ça, à peine besoin de lever le doigt, ils vont lancer leur service Tweet Pizza Delivery Service à partir, ben en fait, c'est déjà lancé depuis le 20 mai, ce qui permet aux clients d'envoyer la pointe de pizza à @Domino's pour placer leur commande. Ça va être la première chaîne de restaurants majeurs à permettre à leurs clients d'utiliser Twitter régulièrement pour placer et compléter une commande. C'est super pratique, un échange de 5 secondes et ils ont annoncé ça évidemment sur Twitter. Plus de 50% des ventes de Domino's avaient déjà leur place sur Internet, était faite numériquement. Donc, ajouter un emoji, c'est pas tellement difficile. Donc, les gens vont devoir s'inscrire sur le site de Domino's avec un profil en ligne. Et donc, ils vont devoir choisir la pizza qui va être commandée, évidemment. Sinon, il faudrait commencer à ajouter des ingrédients, genre une feuille de laitue, une tomate. Moi, c'est ça. J'imagine que ton emoji représente un type de pizza, puis c'est tout le temps la même chose. Exact. Là. Et l'emoji ne change pas, lui, par exemple, pour montrer ce que tu vas avoir cette pizza, là. Donc, les gens vont ajouter leur handle, leur nom d'utilisateur Twitter à leur profil Domino's. Ils vont tweeter soit avec le... ils vont pouvoir soit tweeter le hashtag EasyOrder à @Domino's ou la pizza parce qu'il y a des cellulaires, j'imagine, qui ont peut-être pas d'émoticônes ou tu sais, des vieux à téléphone qui n'avaient pas la façon facile d'envoyer des émoticônes. Donc, il y a quand même l'option de le faire avec un hashtag. C'était sur une base promotionnelle au départ, mais maintenant, Domino's dit que c'est pour rester. On goûte à des choses qu'on a achetées dans le commerce, que ce soit à l'épicerie ou au dépanneur, dans des endroits où on devrait pas nécessairement aller dans ces rangées-là. Genre, non. On devrait pas, mais on le fait pareil. Mais ça a l'air qu'il faudrait juste faire les rangées des extrémités. Ah, OK. Les fruits et légumes, produits congelés. Ben, fruits et légumes avec les produits laitiers et ensuite terminer à la fin. Oui, mais les produits congelés, parce qu'il y a quand même des légumes et des fruits congelés. Qui contiennent plein de minéraux quand même, de vitamines et tout ça. Ouais. Hey, je t'ai pas dit ça, je suis allé faire voir quel était mon problème de digestion. Apparemment, il faut que j'arrête de manger des fruits et légumes crus, comme si je mangeais des fruits et légumes crus, j'en mange jamais. Il m'a dit achète-les déchiquetés. Déchiquetés? Genre, ben t'sais, congelés ou semi-cuits. Voilà. Ah. Pas très intéressant. Moi, j'aurais commencé par mon salé aussi. Par contre, t'as commencé avec des chips et peut-être que j'ai pas envie de commencer avec des chips moi aussi. Ah, t'as des chips? Peut-être. Mais là, t'as un petit peu spoilé. Ouais, je sais, mais... Mais on resterait pas dans la thématique? Veux-tu qu'on fasse ça? On va faire. Écoute, je sais pas. Ben, ouais, tout se fait. Je t'ai demandé tantôt si t'aimais les Miss Vickies. Ah? C'est parce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle sorte. Ah, il y a une nouvelle sorte de Miss Vickies. C'est les barbecues fumés au bois de pommier. Ben, en plus, le sac est beau. Il est mauve. C'est parfait. Mais c'est un violet profond, intense. Là, c'est pas un petit mauve de feufille. Non, non. Tu porterais un habit de cette couleur-là, mauve, tu aurais l'air classe. Ah, ouais. Oh, ouais. Donc, évidemment, toujours les Miss Vickies fabriquées avec soin depuis 1987. C'est moi, ça, c'est mon âge. Ta naissance. Et au moins, l'année est quand même assez vieille pour que je puisse dire, OK, ça, c'est correct de le mettre. Tu sais, quand c'est marqué, genre, depuis 2002, mettons, sur une pancarte, je fais comme, attends donc que t'aies au moins 10-15 ans. Au moins 15-20 ans. Je suis pas dans les conseils de marketing. C'est parce que nous, on est trop vieux. On a l'impression que 2002, c'était l'année passée. Ouais, avoue que tout ce qui est après 2000, c'est l'année passée. Ben, c'est le futur. C'est l'année passée et c'est le futur. Voilà. Ouais. Bref, donc, Miss Vickies, c'est marqué nouveau dans le coin et moi, je n'avais jamais vu ce sac-là. Donc, je sais pas pourquoi, pour toi. Mais non, je l'ai jamais vu. Donc, arôme, aucun arôme ou colorant artificiel. Aucun arôme, ouais, ça va être bon. Aucun arôme. Le produit a été agrandi pour montrer la texture. Je trouve qu'il n'a pas été tant agrandi que ça, il aurait pu l'agrandir plus tant qu'elle agrandait. Sauf que c'est petit pas mal. Ben là, ben. Je suis sûr qu'on va ouvrir le sac, ça va être la même grandeur. Ben, ça dépend. Sont-tu pétés? Ah ah. Ben, j'ai essayé de prendre un sac qui n'était pas pété. Et en fait, ben c'est drôle, mais je sais pas si c'était parce qu'il venait de restocker toute l'épicerie au complet, mais tout ce que j'ai acheté comme produit, c'était le premier sur le bas. Ben, pas ce premier. C'est genre qu'il n'y avait pas de trou dans la tablette. Non, parce que toi, tu prends jamais le premier sur le bord. Jamais. Qui a touché à ça et l'a remis là? Voyons donc. Hey! Allô? La saleté? C'est des croustilles cuites à la marmite. On le sait, c'est Miss Vickies. On s'en sauvera pas. Ils vont pas commencer à faire des chip lays, là. Miss Vickies, là. Ben non. Moi qui se fasse acheter. Donc, l'équipe de Miss Vickies a élaboré une recette afin de vous offrir le goût qui rappelle une époque plus paisible. Une époque où l'on cuisinait. Avec soin, avec patience. Nos croustilles sont tranchées et cuites selon les règles de l'art d'autrefois. De plus, nous utilisons un emballage spécial pour en préserver la fraîcheur et la texture croustillante. Et les croustilles. J'ai dit croustilles. Les croustilles. J'ai dit quoi tantôt? Cuisiner. Cuisiner. Donc, les croustilles Miss Vickies ont le goût franc et naturel. Franc. Honnête. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Des produits d'antan. Nous espérons que vous en deviendrez des mordus comme nous. C'est de Cambridge en Ontario. Bravo pour le jeu de mots. Ingrédients, pommes de terre spécialement sélectionnées, Steph. Une par une à la main. Huile végétale, assaisonnement. Ça doit être long. Ça doit être vraiment long. Voilà, donc je pense que c'est assez. On peut ouvrir le sac de Miss Vickies. Okay, oui. Au barbecue, comment? Mesquite fumée. Barbecue fumé au bois de pommier. Miam! Est-ce qu'on s'attend à ce que ça goûte la pomme ou juste le non, bois de pommier? Le bois. Ça va goûter le bois. Ça va goûter le jerky, j'espère. Est-ce que tu avais remarqué que derrière le nom Miss Vickies, il y avait une espèce de ferme avec un silo? La ferme, c'est même pas vrai. Ta gueule, la ferme, hein? Du coup. Donc, notre micro magique qui nous attend encore une fois. Attends, je vais juste m'assurer que j'ai le bon parce que je suis pas sûr d'avoir eu le bon tantôt. OK, allons-y. Déjà, ça s'ouvre beaucoup moins bien qu'un sac de Cheetos. Ouais, c'est pas leur force, j'avoue. C'est un sac fait pour vraiment conserver les arômes, comme ils disent. Mais justement, la pouf d'odeur qui sort de là est totalement sublime. Ah, pour vrai, maudit, je manque ça, moi. Je veux sortir. Ah! Ouais, prends-toi-en une pommier. Une poignée. Ah, j'ai pas de crayon pour noter ça. C'est quoi l'affaire? Donc, je sac ça sur le palmarès et je te tends le sac. Merci beaucoup, Steph. Pêche-toi, je vais goûter. Ah non, c'est agrandi, ils sont vraiment petits. Ah, ben oui. T'as bien raison. As-tu remarqué qu'ils sont plus foncés dans le sac que sur l'image aussi? C'est vrai, mais tu vois qu'ils ont mis un petit pot de sauce barbecue à côté. Ah, c'était avant qu'il tartine. tu sens-tu l'odeur dans le sac? J'adore tellement l'odeur du vrai barbecue comme ça. Parce que, oui, tu sais, les Lay's, là, on dit tout le temps, mais on se trompe tout le temps. Parce qu'il y a deux barbecues. T'as barbecue classique et barbecue à l'ancienne. À l'ancienne, laquelle qui est bonne? Ben, à l'ancienne. À l'ancienne, oui, non. Ben oui. Rien. Secondaire, c'était mes préférés. Bon, on y goûte. Ah ouais, certain. Ouais, moi, je veux avant. J'adore cette saveur-là, j'adore ça. Ben, ça goûte les Lay's barbecue à l'ancienne. Ça goûte exactement ça, j'allais dire. Mais, avec le bon crunchy et le bon gras des chips cuits à la marmite. C'est plus satisfaisant de croquer dans quelque chose qui croque pour la peine. Ben oui. T'as quasiment l'impression de mordre dans une planche de contreplaqué. Dans du bois de pommier. Dans du bois de pommier. Miam, miam, miam. Mais, ils n'ont pas réinventé une saveur. Non, vraiment pas. Mais en même temps, c'est ça. sais, Miss Vickies, hein, ils doivent faire un peu le juste milieu entre inventer des sortes comme poivre et lime, tu sais, genre, des affaires par rapport. Crème sûre d'antan et oignon doux dans vinaigre finalement, balsamique. C'est crème sûre et oignon, tu sais. C'est ça. Mais il les change assez pour qu'ils valent la peine, je trouve. Mm-hmm. T'as une petite saveur de lime dans lime et poivre. T'as une petite saveur de... Juste pour la chip en tant que telle, ça vaut la peine. Parce que là, on a la meilleure saveur sur la meilleure chip. Bon, ça. C'est carrément. Je te passe le sac. On a du plaisir, là, hein? OK, oui. Miam! Faut que tu te snuffer les doigts puis passer la napkin en... Quoi? C'est passé quoi? C'est passé la napkin. Parce qu'on doit passer à des nouvelles de fast-food encore! Des cubes de fruits, Steph. Ça commence à dater cette nouvelle-là, mais je la trouvais cool puis j'ai comme accumulé un gros forfait de nouvelles. Donc des cubes de fruits, de légumes et de viande pour faire voir la nourriture de façon différente. Les nourritures qu'on mange viennent de toutes sortes de formes, de toutes sortes de grandeurs. Donc, si on coupe ça en cubes, le studio de design Leonard and Sender a fait ça pour faire donc une œuvre d'art demandée par un journal hollandais De Volkskrant l'année dernière, donc pour montrer les habitudes alimentaires de la nation. Donc, ils ont vraiment coupé chaque nourriture, chaque aliment, que ce soit du maïs, du saumon, du chou-fleur, du kiwi, en des cubes de 2,5 cm. Je sais pas pourquoi ils ont décidé 2,5 cm. J'aurais arrondi à 2 ou à 3. Mais ça doit être... Ben, c'est parce que probablement qu'ils l'ont calculé en pouces à la base. Ah, probablement. Moi, je vois du pitaya. Pitaya! C'est super beau. Donc, pour montrer Une bini! En essayant de forcer la nature à se conformer à nos standards, la différence entre chaque fruit, légume et morceau de viande devient encore plus apparente. Et ce qui rend ça efficace, c'est que chaque cube est équidistant de la caméra, donc mettant chaque nourriture sur un pied d'égalité. Oh. Équidistant voulant dire que c'est à la même proportion de loin. À la même loin, distance. À la même distance. Comme en dans grille. Équi et dans distant. Et dans distant. Comme dos equis. Quand je bois de la... Je bois pas souvent... C'est le meme sur Internet. J'essaierai même pas de le reproduire. Donc, après avoir coupé chaque nourriture, 98 chaque aliment, donc 98 au total, en cubes avec des outils faits exprès pour, les designers ont dit au The Creators Project que chaque rangée a été photographiée séparément. Et plus tard, on a fait un composite, ensemble. Le résultat est particulièrement joli. Vous pouvez acheter ça en version imprimée. Il y en a quelques-uns de disponibles, mais c'est sûrement déjà passé, étant donné la vieillesse de l'article, pour environ 500 euros sur le site learnertandsender.com/cubes. Ensuite, Tic Tac présente des saveurs qui changent en se dissolvant. Je pense que t'étais correct. Caroline, je suis quasiment fier de l'avoir eu, mais après ça, je me pose la question si je l'ai. Parce que les jeunes, évidemment, aiment pas ça s'emmerder avec une saveur trop longtemps. Hein? Donc, c'est un autre exemple d'essayer de rejoindre la jeunesse. Non, mais les gommes, d'habitude, ils ont réglé le problème. Et on ne nous achète pas qu'une saveur trop longtemps. Elle dure pas longtemps déjà. Ça devient juste un morceau de caoutchouc que tu manges pendant quelques instants. Donc, des saveurs qui changent aussitôt qu'elles se dissolvent dans la bouche. Tic Tac Mixers. Donc, c'est Todd Mijura, le directeur du marketing chez Tic Tac aux États-Unis, qui a dit à Bloomberg que ça va venir en saveur de cola à la cerise, qui est très à la mode en ce moment. Même, j'ai acheté et j'ai déjà goûté, donc j'ai pas pu en amener parce que c'est la règle qu'il faut pas que j'aille goûter. Mais j'ai amené un nouveau Pepsi cerise en folie en canette. Oh! J'ai goûté et j'ai vraiment aimé ça. C'est encore... pas meilleur parce que c'est différent, mais du Coke cerise. Ben, moi, je suis vendu Dr Pepper. Oui, moi aussi, dans le même genre. Bref, cola à la cerise et limonade aux pêches. Oh. Ouais. Donc, c'est ça, ils voyaient les besoins des gens, qui avaient besoin donc d'attirer des jeunes. Des besoins. Ben oui. Donc, la compagnie dit qu'il y a trois raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait vouloir une Tic Tac. Ce serait pour rafraîchir ton haleine, avoir un moment fruité et sucré, ou encore rescousse émotionnelle. Ouais, quand ça va pas bien, je mange mes émotions, je mange des Tic Tac, c'est clair. Hein? C'est clair, c'est à ça je pense en premier. C'est ça. Donc, les Tic Tac sont arrivés aux États-Unis en 1969. Le produit restait presque tout le temps pareil. Un petit changement d'emballage en 2010 pour permettre au contenant transparent d'avoir plus de menthe qu'avant. Et évidemment, on a aussi eu des variantes, les gros Tic Tac. Tic Tac avec deux saveurs mélangées, genre une saveur de une saveur de l'autre dans deux Tic Tac différents. C'est vrai. Là, c'est vraiment des Tic Tac qui changent de saveur en cours de route. Voilà, donc les gens vont peut-être aimer ça. On va voir si ça sort ici. Ça voudra dire que ça a été un succès aux États-Unis. Ensuite, un autre produit rapide qu'on a vu aux États-Unis récemment, c'est les céréales Captain Crunch au caramel, au popcorn au caramel. Ça a pas l'air fantastique. En céréales? En céréales. Cool. C'est des petites bulles de céréales, comme on connaît, mettons, les Reese's. Les céréales Reese's, t'as les Nesquik qui sont en petites bulles aussi. Donc, c'est la même forme. Les Corn Pops sont pas vraiment... Corn Pops, oui, parce que c'est ça. Exactement. Tout à fait. Captain Crunch, dans ma tête, que tu venais de dire, mais c'était pas ça. Captain Crunch, on est habitué à des affaires qui viennent ramper le palais. Ouais, c'est le mot que je cherchais. Ouais. C'est des ramper le palais. C'est vrai. On s'en sortit. Donc, Caramel Popcorn Crunch. Caramel. Oui. Il y a aussi Chocolatey Crunch et Cinnamon Roll Crunch. Donc, une autre troisième saveur de Captain Crunch aux États-Unis. Je sais pas comment ça se fait qu'on n'a pas ça encore ici, la version cannelle, pour vrai, des chocolatés. Allô? Parce que les gens sont moins attirés par ça ici, tout simplement. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on essaye tellement d'affaires. On amène des affaires nouvelles au Québec, au Canada, mais ça dure jamais longtemps. Non. Vraiment pas. Fait que faut que tu te dépêches. C'est pour ça qu'on a cette chronique-là. Ben oui. Pour ça. Sinon, Caroline, dans un mois, il n'y en aurait peut-être plus des... Non. Des affaires qu'on a. Ensuite, à Chicago, Taco Bell pourrait être la première compagnie à commencer à vendre de l'alcool. Chez Taco Bell. Hein? Une bonne bière froide là, pour un Doritos Locos Tacos. Là. Ben, je sais pas, au IKEA, tu peux te prendre une bonne bouteille de vin. T'as tout à fait raison, j'avais oublié ça. C'est encore pire, c'est même pas un restaurant, c'est une cafétéria dans un centre d'achat. C'est vrai que il devrait avoir l'air plus d'un restaurant. Cacher la cuisine derrière, mettez une petite devanture plus restaurante. Ah, ça reste tellement bon. Ça restera tellement bon, ça restera toujours bon. Voilà. On essaye. On n'est pas sûr. Donc, à Chicago, au Wicker Park, ça pourrait être une occasion de vivre votre rêve. Donc, les gérants de l'établissement, donc ça devrait ouvrir quelque part cet été. Ils ont appliqué pour un permis d'alcool. Ça ne garantit pas qu'ils vont pouvoir en servir, mais c'est un bon indicateur que l'endroit veut au moins commencer à vendre des breuvages en quelque part chez Taco Bell. Porte-parole, ne voulait pas donner plus de détails par rapport à ça, sauf de dire que ce serait un nouveau design, le restaurant, plus urbain, complètement nouveau et urbain. Savais-tu que ça fait partie de Yum Brands, Taco Bell? Yum comme yum, Y-U-M. Non. Yum. Voilà, donc, il y a aussi, on avait annoncé l'année passée qu'il allait ouvrir des restaurants un petit peu plus classe aux États-Unis, nommés Taco Company, Taco Co. Un peu, j'imagine, pour aller chercher le nouveau look de McDo. Oh, peut-être un petit peu plus. Ouais, c'est ça, plus trendy. On va s'asseoir devant un petit faux foyer, c'est ça. Avec des petites chaises confortables, mais que pour manger, il faut que tu te penches par en avant parce que si tu t'évaches dans le divan, tu peux pas manger. Non, c'est horrible. C'est horrible. Moi, j'aime pas ça. Mais jamais. Donc, ils vont servir des tacos un petit peu plus américains. Parce que là, c'est supposément mexicain, leur taco chez Taco Bell. Ben oui. On va essayer de faire des tacos vraiment très, très... ça va être américain. Et d'autres plats américains, dont des milkshakes. C'est pas un plat, c'est un verre. Tu sais, ben, tu peux mettre une assiette. C'est ça. Si t'es bien willing. Tu parles d'alcool et je veux peut-être amener un produit pendant que j'y pense, que j'ai vu tantôt à l'épicerie, mais que je ne pouvais pas acheter. Ben, je pouvais l'acheter, mais j'aurais pas pu le consommer. Tu connais les produits Lolita? C'est des petits mélanges de cocktails. C'est féminin, genre, typiquement féminin. C'est ça. Ben, il y en a dans le congelé. Arrête. Mais oui, c'est... C'est quand même 9% d'alcool et ça vient dans une espèce de sac, un peu comme les compotes qu'il faut presser. Oui. Mais c'est comme de la slush d'alcool qu'il y a dedans. Ah ouais. Puis c'est Lolita, fait qu'il y avait deux saveurs, là, genre margarita puis un autre truc comme ça. Ça avait l'air quand même cool. Ben oui, tu veux te squirter de Lolita dans la face? Ouais. Ouais. Ça a l'air bon. Et finalement, Nestlé et Google qui vont changer le nom, Steph, de la Kit Kat. Pardon? Temporairement pour une publicité là, au Royaume-Uni. Ils vont appeler ça YouTube Break. Comme dans, au lieu de prendre une pause KitKat, tu prends une pause YouTube. Un petit peu de branding. Parce que la KitKat est déjà rouge et blanche, pareil comme YouTube. Et tu te rappelles d'Android, une version d'Android qui était Android KitKat? Non. Il y avait eu un partenariat de marketing entre KitKat et Android de Google. Donc, c'est pas nouveau pour eux. Donc, la Nestlé YouTube Break au Royaume-Uni. C'était Android 4.4 en passant. Maintenant que j'ai l'information dans l'article, j'aurais pu regarder dès le début. C'était en 2013. Donc, c'est ça. Ça va être pour 600 000 barres de chocolat au Royaume-Uni. Et selon le document de presse pour annoncer cette grosse nouvelle-là, le rebranding est pour commémorer le 10e anniversaire de YouTube et le 80e anniversaire de KitKat. C'est le premier redesign de l'emballage de la KitKat depuis 8 décennies. Ouais. Ça n'a pas de sens, hein? C'est aussi, c'est ça, le reste, c'est des détails. Bien sûr, tout à fait. À propos, en 2015, d'avoir des changements de nom de marque pour aller avec du co-branding. Ben, c'est parce que quand ton nom est déjà si bien établi, la KitKat, je veux dire. Les gens vont savoir que c'est une KitKat. C'est écrit en petit, mais tu sais, on s'en fout. Est-ce que tu as vu à la fin, en bas de la page, complètement, le petit robot Android en KitKat? Oui, c'est-tu beau, hein? C'est très cute. J'y mangerai la face. Je sais pas si on peut écouter la publicité juste pour le fun. OK, Google. YouTube My Break. YouTube My Break, elle a dit ça à son téléphone. It's actually quite easy. So whenever you have a little bit of time, you want to relax, oh, you're still, on the go. J'ai un petit peu de just temps. Talk to your phone. J'ai juste parlé mon téléphone derrière YouTube My Break. And you'll break. Have the first video appearing. Et la première vidéo de tout actually, de suite de trending videos of the day, which you can just enjoy. Les vidéos trending de la journée qui vont jouer tout seul. Tu dis YouTube My Break, puis ça joue les vidéos les plus à la mode. Belle grosse perte de temps. Le contenu le plus populaire de YouTube. Une pause qui te capte. Il ne. Voilà, ça va faire, je t'en ai. C'est peut-être la même chose que moi, de toute façon. Ben, en fait, je me le demande parce que ça se pourrait vraiment, parce qu'on a déjà parlé de ça, toi et moi. Je sais pas. On a déjà parlé? Essaye-toi. Peut-être. En tout cas, je vais plonger dans mon sac. Oui. Pas au complet, parce que je rentre pas dedans, clairement. C'est pas la même chose, mais j'ai vu, par contre. OK. Donc, excusez, j'ai parlé la main devant la bouche. C'est pas poli. C'est Nesté qui a fait des nouvelles saveurs de thé glacé. Oui. OK. Et tout simplement thé vert glacé, mais à saveur naturelle de bleuet et de menthe. Wow! Donc moi, je trouve ça super intéressant. Il y a aussi au cassis, mais j'avais déjà goûté au cassis. Je vous confirme que c'est très, très bon. Okay. Allez essayer au cassis. Donc là, moi, j'avais pas essayé bleuet et menthe. Je trouvais ça super intéressant. Ils en ont fait plein d'autres aussi. On fait, je sais pas si c'est plus récent ou même nouveau, mais il y avait moitié thé, moitié limonade aussi que Nestlé fait. Ça, c'est en canette, ça. Ils font à Star en bouteille ouais. aussi, il me semble. OK, ça Et se j'ai peut. Vu aussi, ils font du Fruitopia en canette à 1$. Oui. Pareil, tout le monde fait les mêmes affaires. Direct à côté de Nestlé, ben oui, mais... Ça fronde dans le créneau des canettes. Mais celle-là coûte plus cher. Ah bon. Mais ça, c'est, je pense c'est une gamme de trois saveurs. Là. L'autre, c'était comme... C'était un normal, genre citron naturel pop. Plate. Ça, je veux dire, tu es au citron à l'eau. Originalité. C'est Donc, c'est super beau. Il y a des bleuets, il y a des petites touches de vert, il y a des bleuets sur des feuilles de menthe. Tu peux pas te tromper, mettons. Tu peux pas acheter ça en pensant que c'est le Nesté normal. Il y a trop de... Il y a trop de bleuets. C'est ça. Puis c'est ça. C'est ça. Puis c'est fait avec du vrai thé. 100 calories par bouteille, ce qui est vraiment très peu. Oui. Puis le reste, on s'en sert. Parce que... Mais il n'y a rien d'autre à dire. Tu sais, c'est même pas écrit de nouveau sur la bouteille. Non. C'est vrai parce que tantôt, je l'ai regardé visuellement, physiquement avec mes yeux. Puis j'ai pas vu de mot nouveau, fait que je l'ai pas pris. Mais c'est nouveau, tu le dis. Dans le frigidaire, sur le frigidaire, c'est écrit Nouvelle saveur de Nesté. T'es fort. Puis vu que ça, j'avoue que j'y regarde souvent parce que j'achète souvent du thé glacé parce que c'est bon. C'est rafraîchissant. Donc, moi, je vous confirme, cassis, c'est vraiment très, très bon. Et là, on va essayer bleuet et menthe. Ah, c'était pour ça les petits verres. Ben oui, j'y pense à mon affaire. Est-ce que tu brasses ton thé? Tu le verras à l'envers. Hein? Ben oui, mais je veux voir dans le fond s'il y a des résidus. Mais moi, je trouve ça très drôle. Hey, anecdote. Mon copain, le gars qui reste avec moi. Le père de ses enfants. Appelons-le oui. David par son nom. Et pas Ferron. Juste David. Je voudrais pas que les gens okay. pensent... C'était pour clarifier ce qu'on va dire en début d'émission sur David Ferron, c'est ça? C'est ça, c'est pas lui. C'est les gens pourraient faire des liens. Tout des fois. Je disais quoi, Dan? Tu parles que ton copain... Oui, le père de mes enfants. C'est exact. Lui, il a tendance à brasser la pinte de lait avant d'en boire. C'est tout le temps ça. Ce qui est totalement inutile, on se le cachera pas. C'est vrai, il n'y a pas de grumeaux dans ton lait à moins que ça passe dedans. Non, c'est ça. Puis s'il y a des grumeaux, au pire, tu veux pas être défaire, tu veux le savoir qu'il est passé dedans. C'est ça. Tu veux sortir ta pinte de lait le plus calmement possible pour ne pas la bouger et que les grumeaux ça. Restent en... Pour être sûr des voix. Mais on a acheté une pinte de jus Oasis en carton qui est sur les tablettes ananas. Tu sais... Ça, faut-tu le brasses? Oui. Mais lui, il sert un verre, puis je suis comme, oh, finalement... C'est vrai qu'on y pense pas. J'en prendrais peut-être un verre, je m'en sers. Et quand je suis arrivée à la table, j'avais un beau verre de jus jaune opaque, et lui, il avait un verre de jus jaune translucide, un peu comme mon thé glacé. T'avais pogné le fond de tous les sucres qui s'étaient accumulés. Il avait absolument pas brassé la pinte de jus, donc il y avait juste comme le petit sirop sur le dessus, et moi, je me serais totalement monté le diabète dans le plafond. Ouais. Mais j'avoue que ces jus-là, je les ai vus ça aussi sur la tablette, mais je n'étais pas sûr si je voulais les essayer. Il y en a vraiment des sortes. As-tu vu les Del Monte? Ben oui. T'as pas vu? Non, ben moi, c'est je prends les Oasis, mais ça, j'ai bu ça toute ma vie. Moi, je les adore, ces jus-là. Ça a l'air vraiment bon. Ça. Moi, je les adore. Ça fait partie de mes classiques. Cool. Ah oui, micro-magique. Il est toujours prêt. Ça n'a pas fait grand-chose. C'est un peu subtil. Ah, voilà. Ah. Là, on l'a la fin. Oh, verse. Crime, la bouteille rentre quasiment complète dans le verre. Hey, il y a tellement des... Oh! Mathieu, dis-vous! C'est notre nouveau studio, pour ceux qui se demandent. Ah, on n'a plus de corridor magique dans ce studio-là, par exemple. Merci. Corridor sans danger aucun. Impossible de faire des dégâts. On n'a plus ça. Ouais, j'aurais dû te le lancer. Merci. Ah, ben peut-être, là. Ah, il est rendu lourd-bas. Tout a changé de bord, hein? Ah, je suis droitière. Est-ce qu'on boit? Mais je veux sentir avant. Oh, ça sent power, le bleuet. Power bleuet. Blueberry, power. Oh, j'ai senti la feuille de menthe. C'est le fun, hein, le petit mélange menthe et bleuet. Je suis pas habitué à ça. Mais je... Ça sent pas la menthe. Ça sent la feuille de menthe. Carrément. OK. Ça sent vraiment bon. Oui, c'est un peu... Je sais pas si ça sent ce que ça goûte. Ça sent fade un peu autant que... Je trouve que ça sent fade. Un petit peu, ouais. Moi, je suis étonné à quel point ça sent fort et qu'on peut bleuet. Distinguer les deux saveurs. Donc, okay. Santé. Oui, santé. Ben, ça goûte exactement ce que ça sent, je trouve. C'est un peu fade. Mais c'est du thé glacé. C'est du thé glacé. Le bleuet est très, très subtil, je trouve. Mais ça goûte la feuille de menthe. Je trouve ça le fun. Oui. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment infusé des feuilles de menthe avec le thé. Ça se peut très bien. Et c'est extrêmement, en effet, rafraîchissant. T'as pas meilleur que ça pour te rafraîchir l'été. C'est super léger. Mm-hmm. C'est pas trop sucré. Une petite saveur agréable. Si ça goûte plus, on s'entend que les eaux aromatisées, oui. Mais moins qu'un jus ou un thé glacé traditionnel. C'est exactement ça que je trouve. On dirait presque une version légère de quelque chose que j'aurais acheté habituellement. Tu sais, mais moi, je trouve que c'est un bon compromis, justement, si tu veux te rafraîchir sans avoir trop de sucre là, en bouche. Ouais. Tu as dit que c'était plus cher que les autres, donc évidemment, il faut choisir son thé glacé en fonction du niveau de rafraîchissement nécessaire à votre vie et le prix que vous êtes prêt à payer. Mais plus cher que les grosses canettes de la 99 cents. Ça, je veux dire, il n'y a rien qui bat ça comme en tant que prix. Soit on s'entend que c'est un deal, puis on s'entend que je ne sais pas comment ils vont faire pour continuer de le vendre à une pièce pour toujours. Ils vont réduire le format de minuscule en minuscule. Ah non, arrête. Ils vont tout le temps descendre de millilitres. Ils font quand même énormément d'argent là-dessus. Sur le prix que ça coûte, c'est clair. Comment tu penses que ça lui coûte faire ça? Absolument rien. Ben oui. Voilà. Eh ben. Donc, le Nestlé, thé vert et bleuet. C'est ça? Bleuet et menthe. Thé vert, là, je lisais ton texte. Thé vert glacé. Oui, c'est du thé vert à saveur naturelle de bleuet et de menthe. C'est dit. Super rafraîchissant. J'adore. Mais je préfère Cassis. Ah oui? Je vais l'essayer d'abord. Oui, allez essayer Cassis. Petit quelque chose, là. Ouais. Ouais. Oh. Je sais pas si on a une petite haleine, une meilleure haleine avec ça. Mais moi, je pense que j'ai encore une haleine de Cheetos. Yeah. Ouais. Je suis tout de même. McDonald's en Australie, Steph, va commencer à offrir un menu sans gluten. McDonald's en Australie donc, cherche à certifier son menu sans gluten, parfait pour les gens qui ont la maladie cœliaque. Donc, dans trois des places, McCafé en Australie, contrairement aux États-Unis et dans d'autres pays. En fait, non, contrairement aux États-Unis, dans certains pays comme l'Australie, McDonald's utilise le nom McCafé pour parler de leur concept de café avec un comptoir externe. Donc, il offre un autre menu avec des boissons à espresso, des petites pâtisseries. C'est pas comme le McCafé. C'est un Tim Hortons, finalement. C'est ça. C'est comme une autre place à part entière. Donc, le concept de McCafé a été lancé en Australie en 1993 pour la première fois. Nous, tu te rappelles qu'on vient de l'avoir l'année passée, genre le nom McCafé, ses enseignes, il y a 2 ans. C'est pas juste pour le café, eux autres? Ben, c'est pas mal juste pour le café, c'est ça. C'est juste pour le café, alors que là-bas, tu as des pâtisseries et tout. Bref, en Australie en 93, ils ont une grande présence en Asie, dans les Amériques, en Europe et en Afrique. Donc, les McCafés de Rutherford, Singleton et Greta participent à l'essai d'inauguration pour l'accréditation sans gluten de Celiac Australian Gluten Free Accreditation Program. Et donc, c'est un menu sans gluten qui compte parmi les articles qu'on peut se procurer, déjeuner, dîner et souper. Ils servent tout ça dans les McCafés, eux autres. Oh. Et tu as des options pour la journée au grand complet aussi. Donc, t'as entre autres le chicken pesto focaccia, avec évidemment un pain sans gluten et un paquet d'autres affaires comme ça. Et t'as le ham and cheese focaccia, chicken Hawaii focaccia et sweet chili chicken focaccia. Pas mal tout le temps, juste une sorte de pain, hein, sans gluten. Une sorte de pain, puis prends ce que tu veux dedans, mais ça va être ce même pain-là pour tout le monde. Mais c'est déjà une option de plus qu'avant. C'est exactement vrai. Donc, il y a une variété aussi de pâtisseries sans gluten, des muffins, des brownies, des rôtis, entre 1,50$ et 5$ environ. Américain. Bah, c'est cool, hein? Ben oui, c'est bien. On reste chez McDonald's qui teste des bols à déjeuner avec teneur élevé en protéines dans plusieurs endroits de la Californie, du sud de la Californie. Donc, les bols, il y a turkey sausage, donc dinde et saucisses, ou saucisses de dinde, pas mal plus saucisses de dinde comme traduction. Et chorizo, c'est vendu pour 4$ chaque. Turkey sausage breakfast bowl avec des morceaux de saucisses de dinde, des blancs d'œufs, du chou frisé, ok. Zipinard, bruschetta et du fromage cheddar, cheddar jack cheese. Ensuite, le chorizo breakfast bowl avec chorizo et un œuf sur des hash browns, c'est des patates hachées, ouais. Et grillées. Avec du cheddar jack en petite... En shred. Râpé. Déchiqueté râpé, voilà. Râpé. Et du pico de gallo. C'est du shredder, finalement. Du shredder, exactement. Ils essaient évidemment de contacter un public un petit peu plus santé. Et aussi une petite twist mexicaine sur le chorizo, quand même. Parce que si tu vas aller chercher des gens plus santé, ces gens-là savent que c'est quand même pas la meilleure place. Ça va pas là, là. Donc, le Turkey Sausage Breakfast Bowl, justement, c'est 250 calories. Et la version de chorizo, c'est deux fois plus que ça, 540 calories. Oh! Ensuite, on reste chez McDonald's. C'est le petit bloc McDonald's qu'on a choisi de faire ici, qui prévoit de faire un menu plus simplifié pour les commandes à l'auto, pour accélérer les commandes. Et aussi, comme on a déjà dit plusieurs fois, ils commencent à tester les déjeuners ailleurs dans la journée que juste à la période du déjeuner. Donc, c'est ça, McDonald's, qui prévoit un petit peu changer parce que, vous le savez, on en parle tout le temps dans cette chronique-là, que la chaîne va pas mal moins bien, là, ça va en chute libre, ça se peut plus, comment ils font moins d'argent qu'avant. Ils en font des tonnes, toujours, mais ils en font moins d'argent. Quand même. Donc, ils ont fait un petit webcast, une diffusion web Skype avec des franchisés McDonald's. Les exécutifs, les hauts placés chez McDonald's ont dit que la compagnie voulait montrer seulement les articles les plus vendus sur le menu à l'extérieur pour que les gens passent plus vite au service à l'auto selon le Wall Street Journal. Quand même, hein? Donc, ça, en plus d'éliminer des affaires dans le menu régulier à l'intérieur qu'on avait déjà dit, comme les quarts de livre de luxe et les sandwichs au poulet, ils ont un paquet d'affaires qui enlèvent du menu aux États-Unis. Donc, ça va sûrement s'enlever ici éventuellement aussi. Quoi qu'ici, on commence à ajouter des affaires. Ça me gosse. Hein. On a déjà parlé chez McDonald's, c'est rendu que la pancarte qui servait pour les McCafé, maintenant, sert aussi pour toutes les collations et les McValeurs. Fait que le McCafé s'est rendu une colonne dans une petite TV, un petit recoin. Ah, puis là, c'est rendu que les autres gros panneaux devant les caisses, c'est des gros McPoulet, toute la pancarte, des frites, toute la pancarte. Montre-moi tous les articles du menu pour que je puisse faire un choix moi-même à place de juste me mettre des affaires qui sont bien vendues, ces gros panneaux. Ça sert à rien, un gros panneau d'un mètre par un mètre, me montrer un burger, là. Hein? C'est vrai que c'est désagréable. Puis en plus, là, il y a une pub qui passe quand tu veux choisir ton snack. Une petite carte cadeau, une petite McCroquette volante, c'est comme... Ça fait ça aussi dans un autre endroit à café. C'est ça. Si t'as les trois écrans, tu cherches tes quoi, les Christie de soupe. Pis là, ça va le parfait. Fantaisie, il y a un gros bang de 6 pieds de large. C'est n'importe quoi. Puis après ça, ben, ils te demandent de commander. Là, tu dis, ben, je vais attendre que ta pancarte revienne comme elle était, hein, s'il te plaît. Tu sais, genre. Cette fois, c'est un bouton urgence sur le comptoir. Tu peux juste peser dessus, puis ça remet le menu. mais ce que j'ai trouvé drôle chez McDonald's, pendant qu'on en parle, c'est leur nouveau menu table d'hôte. Qui est arrivé depuis le début de l'été. On n'a pas eu la chance d'en parler parce qu'on n'était pas en onde, mais il y a un menu table d'hôte où tu ajoutes, je sais pas si c'est 3-4 piastres, peu importe. Puis tu as une entrée de McCroquette, puis un genre de petit truc de crème glacée molle. Ah! Que tu ajoutes à ton menu normal. C'est-tu n'importe quoi? J'en veux pas de ta crème glacée, il va prendre n'importe quoi d'autre. Il va me prendre un McFlurry à la limite, t'as la place de prendre une crème glacée molle. Ben oui, puis c'est parce qu'au pire, le temps que tu manges, ça fond. Tu sais, en plus. Parce qu'une table d'hôte, ils viennent te le porter couvert par couvert à ta table. Ils font ça chez McDonald's, tu sais? Non. OK, je pensais aller dire qu'ils faisaient ça chez McDonald's. Ben non, ouais. Une table d'hôte, l'idée d'une table d'hôte, c'est que l'hôte vient à ta table. Ça le dit dans le nom, tu sais. What? Je sais pas. Je dis ça demain. Ça sonne demain. On dirait que c'est comme ça qu'ils l'ont inventé. En tout cas, je sais pas. On a dévalisé épicerie, dépanneur, tout ça. Ça m'a coûté genre 20 pièces aujourd'hui. Mais j'ai apprécié le faire parce que c'est pour une bonne cause, manger. Ben oui, puis tu sais, on se déculpabilise d'acheter ces cochonneries-là en disant que c'est pour une émission. Oui. C'est parce que hier, c'est mon chum, il me dit « Ah, oh, tu t'es acheté telle affaire? » Ouais, c'est pour la radio. ça compte pas. Ça compte pas. Oui, tu sais, je vais le manger pareil, ça compte pas. Donc, c'était à mon tour. Oui, c'était à ton tour. Et on avait dit qu'on suivait un ordre, mais finalement, l'ordre, on s'en fout. Fouafoua. On y va avec du sucré, ça te tente-tu? Ouais. J'en veux plus dans mon sac, attention. Il est loin derrière. Ah! Ah, viens! Ah, viens! Ah, on va penser, oui. On t'entend très bien. C'est bon. Tiens, est-ce que t'as vu ça, Steph? C'est quoi? Les s'mores Russell Stover. Ben voyons donc. Et non seulement j'en ai amené un comme ça. Ça, c'est les marques de boîtes de chocolat. C'est les marques de boîtes de chocolat. Il y en a en plus un au caramel. Ben voyons donc. Ah, hein? Et c'est le format, le grand format. Donc c'est big le bite. Format grosse bite. Grosse bite en anglais ou en français, grand format, c'est comme vous voulez là. De s'mores, oui, Russell Stover, la marque de chocolat reconnue. C'est guimauve chocolat au lait et biscuit Graham pour la version normale. Mm-hmm. Et bien sûr, caramel en premier. Hein, ils mettent en premier. Caramel, guimauve chocolat au lait et biscuit Graham. C'est 57 grammes pour les deux. Ben, chacun. Oui, ouais, ok, oui. Il n'y a pas le total pour les deux. C'est 114. C'est ça. Je pense. Pour 57. Ouais. Oh, ouais, 114. Ça peut contenir des pinottes, des amandes, des noix d'acajou. Non, dis-moi pas ce que ça peut contenir. Dis-moi ce que ça contient. Des pécanes, pistaches, noisettes, noix et œufs. Poisson, soya. Poisson. Donc, les ingrédients comprennent. Là, c'est marqué comprennent. Ça veut dire qu'il y a d'autres affaires, mais ils ne l'écrivent pas. Biscuits secs de Graham. Okay? De Graham. De Graham. Le pays. C'est ça. Non, c'est Graham. Bell. Graham Bell. C'est qui? C'est quoi, ça? C'est quoi le nom de Graham? Il y a un Graham connu? Autre que ça? Un Graham connu. Ah, d'accord. Ouais. On laisse faire ça. Fer réduit. Je sais pas ce que ça veut dire, fer réduit. Mononitrate de tamine, tu sais. Fait que je lirai pas ça, je connais pas, je comprends. Mais non, on s'en fout. Tu peux ouvrir celui que tu veux, t'sais. Ben, au pire, je vais en prendre un, parce que l'autre, tu vas l'ouvrir. Ben, je veux pas te donner celui au caramel. Ben, prends-le au caramel. Non, on va se séparer à la fin. Non, attends. Ok, on va se séparer. Tu vas manger ta première moitié. On va s'échanger en cours de route pour l'autre moitié. C'est bon, ça? Ok. Ok. Micro magique, tout le monde. On l'entend, là. Je dirais qu'au son, on le sait que c'est pas un sac de chips. Non. C'est une grosse bite. Sors-moi là-dessus. Oh non, le coin, il est pété. Ah, pas un coin pété. Je le mange pas. Y a-t-il une poubelle quelque part? Je vais le manger, moi. Ok. Ah, moi aussi, il faut que je l'ouvre. Ah, mon biscuit Graham, il est pas collé dessus. Cool. Hey, tu vois que je suis content d'être allé dans le fond d'une rangée, comme ça, il était pas pré-ouvert. T'sais, des fois, un sac, des fois, il y a un petit bout d'ouvert. J'aime tellement pas ça, puis je le mange pas. Ben non. Je le mange jamais. Mais là, il est pas ouvert. Je sais pas comment on fait pour séparer ça. Ben, mange jusqu'au milieu, Colin. On n'est pas si dégoûté. T'es-tu si dégoûté par ça que... Non, je suis dégoûtante. Non, c'est parce que c'est... C'est même pas attaché ensemble. Mais non, c'est ça, les biscuits Graham. Ben, y en a un, j'en ai un de collé, puis j'en ai un de lousse. Ben, c'est clair que c'est fait pour être passé au feu, là. C'est fait pour être mis après quelque chose. Ben, probablement, c'est fait au moins au-dessus du rond, quelque chose. Ben, non, mais tu peux pas rentrer un bâton là-dedans. Ben, une pince, peut-être, non? Une pince. Ben, je sais pas. Parce qu'en tant que tel, là, visuellement, là, c'est vraiment deux biscuits Graham, et au milieu, c'est une guimauve enrobée de chocolat faite en forme de carré épais. On se c'est pas fait pour aller sur le feu, c'est fait pour aller dans la bouche. Ok, bon, ben, dans la bouche. On écoute. Non, c'est sucré, c'est bon. C'est vraiment très, très bon. Le caramel goûte. Je suis content, j'aime ça. Moi, je ressens pas le besoin d'avoir du caramel. Non? Ce serait pas un bon petit bonus? Je me sens très comblée par la guimauve. Elle est déjà très, très moelleuse et coulante. C'est super agréable. C'est vraiment bon. J'adore ça. Mais au feu, avec une pince, ce serait vraiment encore meilleur. Ah, moi, je te le donne pas. Non, hein? Je suis comblé. Moi, je... Non. Fait qu'on le garde chacun de bord. Parfait. Mais je continuerai tantôt. C'est trop, trop bon. Moi, je veux savoir où t'as pris ça. Métro. Dans une rangée quelconque? Près des produits laitiers. Il y a un petit présentoir, une petite boîte de carton montée. Ah, OK. Ça faisait plusieurs semaines que je le voyais. À chaque fois, je me disais, ah, ça va donc le fun d'avoir une chronique culinaire. T'sais. Miam. Un peu d'eau pour aller avec ça? C'est tellement sucré, ce soir-là. Non, moi, ça va très bien. Bon. Donc, c'était les Russell Stover S'mores grand format. Toujours dans une grosse boîte à l'adresse, et on fait toujours des nouvelles de fast-food entre chaque produit. Allons-y avec PFK, qui nous sort un clavier dans un cabaret, le Trey Typer Keyboard. Ça a l'air étrange, hein? Donc, une solution à un problème du first world, comme on dit en anglais, du premier tiers monde, mettons, pas le tiers monde, mais le pas tiers monde. Donc, c'est un clavier Bluetooth rechargeable. Le deux tiers monde. C'est bon, j'aime ça comme expression, le deux tiers monde. C'est bon. Donc, un clavier Bluetooth rechargeable qui arrive avec votre cabaret de fast-food qui se connecte avec votre téléphone cellulaire et qui vous permet de texter avec vos doigts tout à fait collants sans gâcher votre écran. À vous! Très drôle. C'est le KFC Trey Typer qui fait partie d'une campagne promotionnelle pour la chaîne de fast-food en Allemagne. C'est un remplacement donc de haute technologie pour le papier à absorption de graisse qu'on sert d'habitude avec le poulet et les hamburgers. Les napkins, c'est ça. Les petites napkins 30 peut-être même. Assez durable pour être lavé et réutilisé, même si le créateur de la pub Service Plan dit que les Smart Paper Trays étaient tellement populaires lorsque donnés pendant la semaine d'ouverture du restaurant que chacun a été ramené à la maison des clients. Chacun. Oh. Pas quelques-uns ou la plupart. Tout. Chacun. Tous. Le Tree Typer a donc l'air d'une idée bizarre, mais technologiquement, c'est à la fine pointe. En 2013, une compagnie du Royaume-Uni nommée CSR a montré un clavier Bluetooth qui était aussi mince et flexible que le Tree Typer. Donc, c'est quand même quelque chose qui existe, qui se peut. En 2015, toi. C'est génial comme idée. C'est super cute. En plus, ça fait full rétro comme façon de placer le clavier. Ça fait le décor est un petit peu rétro. Le clavier, lui. Ouais, c'est très cool. Technologique. Ensuite, on reste chez PFK. C'est le Colonel Sanders qui est de retour. Et qui est déjà plus cool que le Hamburglar. Tu sais que McDonald's a ramené le Hamburglar. Sauf que ça, c'est le personnage de style... De, comment dire? Mascotte. Ah, le mauve, là? Avec des... non, pas le mauve. Non. C'est celui qui a un chandail... Il y a une tête d'hamburger. Oui, tête d'hamburger et un chandail rayé. L'hamburger avec un chapeau noir, avec une bande jaune dessus. Oh, il était peurant. Il était peurant. Mais là, ils l'ont ramené. Puis à la place, c'est un mononcle louche. C'est un humain. Il était peurant aussi. Il est vraiment encore beaucoup plus épeurant. Allez voir sur Google Images le hamburger de McDonald's. Bref, on ramène tout parce que dans la vie, il n'y a rien qui est plus populaire que la nostalgie. Toutes les séries sont refaites, les films sont refaits en ce moment. Il n'y a rien d'autre que des remakes. Donc, le Colonel Sanders qui est de retour. C'est mardi le 19 mai que Kentucky Fried Chicken a présenté le plus récent modèle du Colonel Sanders. Cette fois-ci, donc, c'est joué par un ancien de ses samedis soirs, Saturday Night Live, Daryl Hammond. C'est celui qui fait la voix de l'annonceur dans SNL cette année, depuis la mort de leur précédent annonceur. Donc, c'est ça. Ça veut dire qu'il est cool puis qu'il est drôle, parce que je l'aime bien gros, ce gars, Daryl Hammond. Les nouvelles publicités sont disponibles depuis le 25 mai. On a mis une galerie de vidéos sur YouTube pour présenter le personnage de Daryl Hammond. Et basé sur les publicités, il est déjà pas mal plus aimable et pas mal moins épeurant que le hamburger dont on parlait tantôt. On pourrait en écouter une juste pour le fun, juste pour voir de quoi ça a l'air. Ici, le Colonel Sanders, il est en train de jouer devant il est devant un band de mandoline. That's a trick question. Of course it is. I'm back, America. Je suis de retour. On dirait qu'il va s'étouffer. C'est ça, on dirait vraiment qu'il va s'étouffer. Mais il y a l'air d'un genre de vieux monsieur sénile, puis j'aime ça, ce style-là, moi, le vieux monsieur sénile dans des pubs. Je trouve ça le fun, divertissant. Ensuite, tiens, c'est le Macho Café au Japon. C'est un peu comme un Hooters, mais inversé. Tu connais Hooters? Ben oui. C'est celui où les femmes se montrent les seins. Ils ne se montrent pas. Il y en a juste tellement des gros que ça ne rentre pas dans leur camisole. Ben, c'est ça. Et ça laisse aucune place à l'imagination. Ouais, à peine. Fait que, tu sais. Donc, les gens aiment aller chez Hooters pour voir des femmes avec des vêtements très, très serrés. Bien sûr, c'est le même principe, mais à l'inverse, avec des hommes musclés. C'est le Japan's Macho Café. Il faut aller voir les photos. C'est situé à Tokyo. Et le café était vu à la télé et en ligne. Récemment, le site web Sirubi a visité le café, qui était ouvert pour des dates limitées. Donc, c'est pas encore quelque chose d'ouvert à temps plein. Mais les journées où c'était ouvert, le Macho Café a attiré des foules et des lignes et des files d'attente. Et tu reçois ton service, évidemment, avec un sourire et un petit peu plus de muscles en bonus gratuitement. Ah, génial. Génial. La nourriture et les boissons sont un petit peu plus chères qu'à l'habitude, mais si tu commandes une canette de bière, ton serveur macho va la verser et va ensuite s'écrapoutir la canne. La canette sur le front, j'imagine. Donc, il y a un repas de crêpes. Donc, au Japon, il y a un jeu de mots avec crêpes et muscles que j'essaierai pas de reproduire. Okay. Mais tu sais comment j'aime les jeux de mots, fait que je les encourage là-dedans. 13,50 $ américains environ. C'est quand même vraiment cher pour des crêpes, là. Mais le prix inclut une pause musculaire d'un petit monsieur devant. C'est très drôle. Oh mon Dieu, la file d'attente! Ça n'a pas l'allure. Pour 27 $ environ, tu peux avoir le Wall of Meat, un gros mur de viande. Et un mur de viande comme dans les hommes. Je parle pas de la viande comme le repas. Je parle d'un gros mur de viande de gars qui viennent autour de toi et qui font un petit carrousel de muscles. Ah, voilà. Ensuite, Pepsi Diet, qui ne contiendra plus d'aspartame à partir de cet été aux États-Unis. Ah? Oui, ça va juste être aux États-Unis? Ben pour l'instant, aux États-Unis. Pour l'instant, pas pour l'instant. Pour l'instant, aux États-Unis. Prochaine phrase. Au-dessus du logo, c'est marqué maintenant sans aspartame. Carlin. Maintenant sans aspartame. Sans plus de aspartame. Trop de syllabes dans aspartame. Donc, Pepsi s'en débarrasse. Le sucre artificiel, substitut de sucre, qui est un ingrédient du diète Pepsi depuis des décennies. La compagnie a annoncé que le changement se fera plus tard cette année. L'aspartame va être enlevé de chaque produit diète Pepsi. Donc, ça va inclure le produit régulier diète Pepsi. Pas le régulier régulier, mais le régulier diète Pepsi. Parce que la diète Pepsi est une branche à part entière chez Pepsi, tu sais, dans leur chiffre. Sa version sans caféine aussi n'aura pas l'aspartame. Pepsi à la cerise, diète, il y a ça aussi. Okay. Pepsi diète à la cerise, je sais pas comment tu le dis. Ceux qui boivent du cola diète aux États-Unis disaient qu'ils voulaient de la liqueur sans aspartame et c'est ce qu'ils ont décidé de faire, évidemment, parce que ça va leur apporter de l'argent si c'est ce que les gens veulent. Hein? Mm-hmm. Quand même. Il n'y a rien de naturel dans les ingrédients qui vont être utilisés pour remplacer ça, mais ça n'a pas les mêmes controverses de santé. Parce qu'aspartame, les gens parlent de cancer, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de cancer, il y en a qui disent que oui, tu sais, les gens... Probablement qu'ils vont découvrir dans 5 ans que le produit qu'ils vont avoir mis à la place de l'aspartame, ça va être aussi nocif. Ou pire. Donc, c'est ça, il n'y a pas de controverse autour du... de l'aspartame, on appelle ça aussi NutraSweet. Ça veut dire ça, je ne sais pas ça. Non. NutraSweet, c'est le même nom qu'aspartame. C'est un des ingrédients les plus testés au monde. La Food and Drug Administration, qui gère ces affaires-là, dit que l'aspartame est parfaitement sécuritaire pour les humains, pour la consommation à quantité que dans de la liqueur. À un moment donné, il faudrait que tu en prennes vraiment beaucoup pour qu'il y ait des problèmes, mais tu fais juste dire aux gens qu'il y a une possibilité de problème, puis soudainement, ah mon Dieu, je ne veux plus jamais boire d'aspartame ou en manger. Ça se peut que ça cause du cancer, mais pour l'instant, les études nous disent que non. Ouais, bref, c'est à peu près. C'est comme dans les pépins de pommes. Ouais. Je pense que c'est de l'arsenic, quelque chose comme ça qu'il y a là-dedans. Mm-hmm. Si tu manges tes pépins d'une pomme, là, tu vas pas mourir. Mm-hmm. Mais ça reste que l'arsenic, c'est toxique. Mais il y en a dans tes cœurs de pommes. Ouais. Fait que tu sais, il faut voir aussi la quantité. Puis de toute façon, mon Dieu, si tu bois un Pepsi, assume que de toute façon, il va te tuer un jour. Hein. Exact. Mais chaque affaire, c'est comme ça. Même les médicaments peuvent servir à différentes affaires. Ben, il y a une pilule qui disait que si c'est en petite quantité dedans, c'est bon pour les gros maux de tête, pour les migraines, entre autres. Puis à beaucoup plus grande quantité, c'est utilisé comme antidépresseur. Fait que le pharmacien, il va te dire, fais-toi-en pas, si tu vas sur Internet, tu vas aller voir que c'est un antidépresseur, mais ça n'en est pas un à cette quantité-là. Genre, tu te renseignes un peu. Mais c'est comme écrit aussi sur les pots de médicaments. Ce pot contient assez de médicaments pour tuer un enfant. Ouais. T'sais? La machine à coke contient assez de coke pour tuer un enfant. Elle pourrait tomber dessus aussi puis tuer un enfant. Voilà, c'est ça. Tout peut arriver. T'sais. C'est ça. Voilà. Donc, bref, les bouteilles et les canettes de Pepsi diète qui vont être sans aspartame, c'est quand même significatif. Coca-Cola qui inclut encore de l'aspartame dans son coke diète, mais j'imagine qu'avec Pepsi qui le fait, qui l'enlève, ça va changer aussi. L'un suit l'autre sans cesse. Qui n'aimerait pas une machine à 1150$ qui fabrique du café et du soda, de la liqueur? Tu connais, est-ce que tu connais une petite compagnie de binerie? Je pense que c'est Trifluvien, peut-être québécois. Keurig. Donc Keurig, fabricant de machines à café avec des copyright management puis des verrous numériques. Puis c'est comme un film sur Blu-ray, mais pour des capsules de café. T'sais. Ouais. Tu peux juste prendre là ça. Donc, cette compagnie-là, grandiose, va nous offrir une machine à liqueur et une machine à café en une seule machine. C'est pas incroyable, ça? Pour le prix de 1150$, et ça s'en vient de la part de Whirlpool et AB InBev. Voilà. Donc, ces ventes de machines à café ont un petit peu descendu. Les ventes ont descendu récemment, voilà. Donc, c'est ça. AB InBev, c'est les propriétaires de Budweiser et un paquet d'autres marques. Et cette machine-là, c'est pas un soda stream pour la bière, étant donné qu'on s'attendait à ce que le propriétaire de Budweiser nous fasse faire peut-être de la bière, mais c'est pas ce qu'ils font. C'est pas ce que ça fait. Non, c'est du café et de la liqueur. Donc, l'idée de vendre une machine qui fait des breuvages chauds et froids, du café au jus, tout ça à partir de cartouches, un peu comme le système de breuvage de café qu'on a déjà. On va regarder la petite vidéo promotionnelle pour être sûr que je dise pas n'importe quoi quand je dis qu'on peut faire de la liqueur avec aussi. Vidéo promotionnelle avec tout plein de choses qui n'ont pas rapport avec le café. Ça, c'est du... Est-ce que c'est en train de nous faire patienter? OK, là. Of all the things we do every day without even taking notice. On fait plusieurs choses tous les jours sans le remarquer. Boire est la chose la plus essentielle. On boit pour se rafraîchir, pour relaxer, pour se saouler, avec des amis, pour reprendre de l'énergie, pour rassembler la famille. Mais n'êtes-vous pas déjà arrivé à la maison en ayant envie de jus ou d'autre chose que de l'eau? Or when you're having pizza ou quand vous êtes en train de manger la pizza avec vos amis, ils demandent de la liqueur aux délicats. Mais tout ce que vous avez, c'est des affaires qu'ils n'aiment pas. Ou une journée d'hiver et vous aimeriez avoir un thé chaud ou du chocolat chaud, mais vous êtes trop paresseux pour en faire un. Il y a tellement d'avancées technologiques dans nos vies qui nous permettent de faire tout ce que l'on veut, quand on le veut. Et si le breuvage que vous vouliez était toujours disponible? C'est tellement d'info pub, hein? Ah, ça montre tous les produits que ça peut remplacer, hein? Le bouilloire, la cruchère, la théière, le presse-jus. Imaginez tout le dégât que vous feriez en utilisant tous ces appareils. Avec cela en tête, voici une révolution dans le monde des breuvages. Là, j'ai manqué le nom du produit. La plus grande plateforme, plus importante, révolutionnaire. Nous n'avons jamais fait quelque chose du genre. Ça utilise des capsules et ça change ça en boisson chaude ou froide. B-Blend identifie votre breuvage automatiquement et le prépare parfaitement en appuyant sur un bouton. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir votre capsule préférée, appuyer sur play et voilà, la magie a lieu. C'est B-Blend, en effet, c'est confirmé. Vous pouvez partager l'expérience avec ceux que vous aimez. C'est un peu intense. Sortez la machine et faites une révolution dans vos breuvages. La puissance est à vous. Avec B-Blend, vous pouvez le faire. OK, ça va faire une variété de breuvages, on a compris le principe. Ben, wow, c'est fendant pas mal, ça? C'est un peu intense. Reste que c'est une machine super cool. Très, très cool, j'en veux deux. Mais pour 1150$, ça va coûter cher. Ben, t'as 3000$? J'ai 3000$. 3000$ à pied, ça use, ça use. Ça use... Les souliers, c'est ça. On était rendu à toi, Steph, parce qu'on goûte à des choses du commerce, dépanneur, épicerie, des produits qu'on ne devrait pas nécessairement manger ou boire. Voilà. Là, je te dirais que j'ai un entre-deux. OK. Je pense que je sors quand je change de registre un peu. C'est comme du santé mélangé avec du... Bon, tu sais qui a eu cette idée de merde-là de mettre quelque chose de pas santé de même avec ça? Un genre de mash-up, là. Genre. C'est seulement un enfant qui a trouvé la solution. Probablement. En fait, il a échappé ça dedans. Ah. C'est ça que ça a donné. Ce sont les Yo Crunch de Danone. Hein? Oh, wow! Est-ce que t'avais vu ça? Non, au Oreo! Mais j'imagine que tu te promènes pas tant dans les allées des produits laitiers. Pas tant, non. Donc, ce sont des yogourts de Danone à la vanille, tout simplement. Mais sur le dessus, t'as un petit contenant avec des miettes de Oreo. C'est un McFlurry fait maison, presque. Mais au yogourt. Au yogourt. Fait que tu vas juste comme... sacrer tes Oreos dans ton yogourt. Ça va être crunchy dans ton yogourt. Théoriquement. Non. Il y a aussi la version M&M. Mais c'est des petits M&M, dans le fond, que tu veux juste sacrer dans ton yogourt. Wow! Il aurait dû vraiment en profiter, mais je comprends qu'il ne l'avait pas fait parce que comme ça, ils vont vendre deux paquets, mais il aurait pu faire un paquet où tu avais un M&M puis un Oreo, je trouve. Ben t'sais. Oui. Mais bon. J'ai quasiment pensé, je dis, je pourrais en utiliser un pour le changer. Je pense que ça déchirait. C'est pas, t'es la raison pour laquelle je prends pas le premier football. Donc, ben non, je pense qu'en dessous, j'aurais pu le faire. Il y a une languette pour l'ouvrir, OK. Oui. Donc, voilà, ce sont les Yo Crunch de Danone. C'est écrit nouveau. C'est du yogourt 1,5% de matière grasse avec morceau de biscuit Oreo. Donc, c'est 2 fois 143 grammes. Peut contenir, non, contient, hein, lait, blé, soya, peut contenir arachide, noix, œufs. Garder au réfrigérateur. C'est pas mal ça. Donc là, je vais enlever le carton et on va aller voir s'il y a quelque chose d'intéressant sur le pot de yogourt. Ben oui. Donc on a comme deux étapes. Good, on écoute. Ploup, ouais. C'est ouvert. Comme une boîte de bartender. C'est pas mal compliqué. Tout simple. Oh! Le petit pot, il est comme pas attaché après le pot de yogourt. Oh non! Je suis déçue. De coûter moins cher de même. Ah, ben non, tu peux clipser un petit peu, je pense. Ah, ben oui, c'est un petit couvert de plastique qui vient clipper t'as, après. T'as quand même du papier d'aluminium sur les deux, hein, pour pas que ça ouvre. Comme ça, ceux qui veulent juste le yogourt puis pas d'Oreo. Non, tu veux dire ceux qui veulent juste les Oreos puis pas le yogourt. Non, tant qu'à ça, achète-toi une boîte de biscuits, là, tu sais. On s'entend, ça va revenir plus avantageux. Surtout qu'ils vendent les biscuits, juste pas de crème dedans, que tu peux toi-même juste piler dessus, mettre dans un drap, puis marcher avec des souliers dessus. De faire ouais, c'est, mais non, mais tu vois, il y a un petit peu de crème là-dedans. Ah, arrête donc, ben oui. Dans c'est les miettes d'Oreo. De la terre, vraiment. En vrai, tu pourrais aller à la pêche avec ça, puis il y aurait sûrement un verre de terre. Moi, j'aurais mis plus d'Oreo que ça. Ben ouais, mais ils sont cheap, là, on s'entend que c'est juste un fond d'Oreo, là. Oh, ouais. C'est pas assez. Non, non, achète-toi une boîte, un pot de yogourt, puis mélange mais oui, ça. Mais oui. En tout cas. Donc, tu sais, le pot de yogourt, je trouve qu'il y a un look vraiment poche. Oui, vraiment. C'est très poche et c'est très typiquement yogourt plate, OK? Parce oui, qu'en oui, oui. En plus que le nom, c'est Yo Crunch, OK? Comme Yogurt Crunch, mais c'est même pas un jeu de mots. Non. Fait que pourquoi tu l'appelles Yo Crunch? C'est même pas un jeu de mots. Non. Il y a rien d'intéressant. C'est un pot de yogourt 1.5, là, inintéressant. Ouais. Ah. Donc, je vais ouvrir mon pot de yogourt dans le micro magique. Pas moi. Je déchire tout le temps l'aluminium, mais il réussit pas à se défaire de pousser. T'as pas le taux. Ben non. C'est parce que je mange pas de yogourt. Donc, je vais gratter quand même le dessus de mon petit papier d'aluminium. Le pourtour m'est écrit O-U-R-T pour faire un jeu de moi avec yogourt. Parce que moi, je suis capable d'en faire, par exemple. Puis, je trouve ça fun parce que, tu sais, c'est pas du yogourt à 0% de matière grasse, plein d'aspartame, puis du cralote, puis de cochonnerie qui coûte pas bon. C'est du vrai yogourt. Ça sent le bon vanille. C'est du classique. Il n'y a rien à la base. C'est vraiment juste du yogourt classique vanille dedans. Vanille. Voilà. Vanille. Maintenant, je vais ouvrir mon petit pot de Oreo. De schnout. Moins fort. Il y a moins de bruit, celle-là. Oui. Ah, c'est assez discret. L'autre est quand même violent. C'est... Donc, maintenant... Là, est-ce qu'on verse juste la moitié? Non. On verse au complet, il n'y en a pas dedans, quasiment. Je vais faire ça dans le micro magique d'un coup qu'on entendrait des splouches. Je t'écoute. C'était beau, hein? Mmh. J'ai liché le fond du bol. Donc, je mélange ça. J'ai vraiment l'impression de jouer dans la boîte. C'est super le fun pour les enfants. C'est parfait pour eux, oui. J'imagine vraiment dans la cafétéria, la chenoute partout à terre de biscuits Oreo puis de yogourt. C'est vraiment plaisant pour les concierges. Je trouve ça très drôle parce que j'écoute une émission... c'est Cook Your Ass Off. Là. Je me souviens même pas c'est quoi. Cook Your Ass Off. Cook Your Ass Off. Cuisine tes fesses à la hors de toi. Je me souviens même pas c'est quoi en français. C'est un coup de fouet en cuisine. Mais c'est parce que dans le fond, ils essaient de prendre des classiques. C'est un jeu de mots de cauchemar en cuisine. Comment? C'est un jeu de mots de cauchemar en cuisine. Coup de fouet en cuisine. C'est un jeu de mots. Non, pas mal sûr. Tu penses pas, ça sonne pareil. Moi, je dis que c'est un jeu de mots. Moi, je dis que c'est voulu. Ben, c'est parce que tant que tu le dis pas à voix haute, ça ressemble pas à ça du tout. Donc, bref, ils prennent des classiques américains qu'on adore tous, nous aussi. Et ils essaient d'en faire. Parce qu'on est des Américains. Oui. C'est ça. Ils essaient d'en faire une version santé. Mais je trouvais ça très drôle parce qu'ils parlaient. Ah, c'est le spécial pour ce que les enfants adorent manger. Puis à chaque fois qu'ils montraient quelque chose, j'étais comme, oh mon Dieu, moi j'aime ça, j'aime ça. J'étais comme, pourquoi les enfants? Et oui, il y avait justement le macaroni au fromage, mais on s'entend, je veux dire, qui aime pas le macaroni au fromage? Non, c'est ça, exact. C'est le fun de ces émissions-là, mais littéralement, chaque émission de cuisine a déjà fait une émission, nos classiques améliorés. Mais bon, l'exécution est différente. Est-ce que je t'ai parlé de leur version de la poutine? Non. C'est vraiment dégueulasse. C'est des frites, bien entendu, avec une sauce au fromage. Tu sais, les genres de sauces jaunes que tu mets sur des nachos, là? Oui, oui, ça comme queso. Ben, c'est ça, une poutine. Ben, voyons donc. Qu'ils ont présenté. C'est pas pantoute, une poutine. Ça a l'air dégueulasse, hein? Ben, ça a l'air vraiment bon, mais pas... Ça ressemble plus à des chili fries. Ça pourrait pas être... Mais c'est parce que eux, aux États-Unis, leur équivalent de la poutine, parce qu'ils ont beau trouver ça vraiment dégueulasse. Pour vrai, les Américains, la poutine, quand tu leur en parles, ils trouvent ça dégueulasse. Mais ils vont voir un match de baseball, puis ils prennent des chili fries, qui est des frites avec du fromage râpé et du salsa con queso dessus. Ils trouvent ça parfait. C'est quoi la différence entre une poutine puis ça? Il y en a pas vraiment. Au pire, t'sais. Nous autres, on a du vrai fromage c'est dedans. Ça. Fait que chialez pas, tu sais. En tout cas. Yes. En tout cas. Finalement, si tu regardes, il y en a quand même pas mal là, de oui. Oreo. Le ratio est bien. Ils ont vraiment bien choisi c'est ça, le ratio, comme tu as dit. S'il y en avait mis plus que ça, ça aurait eu l'air plus pâteux, puis ça aurait peut-être pas été aussi bon. On aurait moins goûté le goût. Peut-être. On goûte. Mais hein. Ça ressemble à McFlurry comme ça. Ça se peut pas. Ouais. Ben sais-tu, c'est intéressant. C'est très bon, puis pour vrai. Ça goûte quasiment la crème glacée. Ben oui. Ça goûte parce qu'on associe la saveur du produit laitier de l'Oreo avec un McFlurry. Ben oui. Mais ça goûte ça. Ben oui. C'est pas si loin que ça, la crème glacée du yogourt. Ben non. Mets-le au congélateur un petit peu, puis... Ça gèle-tu du yogourt? Ben oui. Ça se fait une cuillère dedans, puis manger comme un Portugal? Pourquoi pas? T'as jamais fait ça comme Inigo? Par tout. Moi, je pense que ça peut être une belle option. Oui. Ah. On fait ça? Non, bon, hey, une version semi-santé. Pas si pire. Wow. Nos classiques améliorés. Bref. C'est super, ça goûte ça? L'Oreo, là. Ouais. C'est super intéressant. C'est pas boiteux, ça fait pas des... Tu sais, parce que des Oreos mous, c'est pas bon. Tu sais, fait que si tu laissais genre tremper ton Oreo dans ton yogourt trop longtemps, ou que c'était disponible en version pré-mixée... Ça serait pas bon. Ça serait pas bon. Et, je veux dire, tout le plaisir est dans le... Je mélange mes Oreos! Jouer avec sa bouffe! Mais, en vrai, je suis pas sûr les M&M. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils mettent vraiment des petits morceaux, mais là, c'est des mini M&M. Complètement fermé. Mm-hmm. Fait que ça doit pas se mélanger aussi bien dans le yogourt. C'est pour ça que j'ai choisi Oreo. Mais as-tu goûté au McFlurry ou au M&M? Ben pas McFlurry spécifiquement. Mais c'est vraiment bon. Puis tant qu'à faire, il pourrait aussi faire Rollo. Petits œufs Cadbury. Ben ouais. Tu sais, moi j'en ai des suggestions. On a fait toutes les mêmes que McDo. C'est pas dur là. Red Velvet. Quoi qu'il est pas si bon que ça le Red Velvet chez McDo, je trouve. Ah, je sais pas. J'ai jamais vu ça. Ben, tu sais. Moi, au Reese, là, tu m'as. Oui, moi aussi. Mmh. Mais c'est parce que Red Velvet, tu t'attends à ce qu'il y ait un petit peu de. De Velvet. De Velvet. Pas mal ça, finalement. C'est pas mal ça. Nouvelle de fast-food, Steph. Quelques-unes rapidement. Le Japon, qui va avoir un burger aux nouilles et au riz. Tu sais, des fois, la mode en ce moment est au burger qu'à la place de prendre des pains, tu prends des ramen grillés. OK? C'est la nouvelle mode. Pour vrai? C'est des burgers, c'est super à mode. Il faut avoir des ramen grillés, burgers, peu importe. Puis ça remplace les pains. Là, à la place, ce qu'on a fait au Japon, je vais enlever notre écho. Il y avait vraiment beaucoup d'écho sur ce que je disais là. Donc, c'est ça. À la place de remplacer les pains, on laisse les pains et on met à l'intérieur une galette pour remplacer la viande. Donc, une galette de ramen et par-dessus une galette de riz. Ça a l'air quand même bon. Hein? Donc, l'Otaria, ben oui. Qui fait des cascades culinaires sans cesse, donc sort un burger qui est du riz blanc, de la laitue, des nouilles ramen et du tofu épicé, où il y a aussi un pain. Donc, Nico News qui nous dit que ce burger-là, qui vient avec une soupe, coûte environ 6$, et c'est pour un moment limité. Et on peut aussi avoir des frites à côté. Collaboration entre l'Otaria et un restaurant de ramen à Tokyo qui est Muko Tanmen Nakamoto. Donc voilà. Il y a un petit peu trop intense de féculent là-dedans, je te dirais. C'est le mot que je cherchais. Ça a l'air vraiment bon. C'est le féculent burger. Wow, mais ce burger, il est féculent. Tu sais, tu peux faire un jeu de mots, ça serait parfait. Ou si tu peux aussi ne pas le faire. Tu pourrais. Ouais. Un homme utilise et le menu. Son péché. Un homme utilise un kiosque de. Oh shit, excuse, je viens de voir la photo. Oui, ils sont péchés. Donc, un homme, Steph, un homme. Vous allez au deuxième mot. Non. Deuxième mot, un homme commande. Ben, tu l'as dit, deuxième mot, c'était homme. Un homme commande, donc sur un système de commande numérique. Ça s'appelle le Create Your Taste chez McDonald's pour construire un burger à 25$ et 3,8 livres de poids. Donc, c'est un YouTuber, Moshe Tamsat, qui a utilisé Create Your Taste, qui est un kiosque de commande numérique chez McDonald's pour commander le plus gros burger possible. Le système, en fait, te limite à deux boulettes de quart de livre, mais tu peux ajouter jusqu'à 10 fois de tous les autres ingrédients, dont 3 types de fromage, du bacon, du guacamole, des tomates, des cornichons, des champignons, des jalapenos, des oignons grillés ou crus, et toutes sortes de différentes sauces. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il n'avait pas le droit à plus que 2 boulettes de quart de livre, donc il est allé avec des extras à la place pour créer un burger de 3,8 livres. Il y en a du bacon là-dedans. Il y a plus de bacon que de bœuf. 24,89$ après un bug dans le système qui avait essayé de lui charger 890,80$. Il a réussi à s'en sortir pour le vrai prix de ces extras-là. Moshe n'a pas sorti d'autres vidéos depuis. On ne sait pas s'il a survécu. Il est mort. Mais vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com pour le lien. C'est n'importe quoi. Tu sais, Krim, je sais pas, j'avais pas réalisé qu'on avait autant de nouvelles de McDo. C'est que je les avais classés par ordre alphabétique, puis finalement, il y a des nouvelles qui commençaient pas par le mot McDonald's tantôt, je pense. Ah, détail. Donc, McDonald's, qui est très très loin d'être le choix le plus santé dans le fast-food, je pense qu'on sait, mais le clown sait comment nous faire plaisir avec ses joyeux festins. C'est quoi cette phrase-là? Ça me fait penser... tu sais, Apple, sur leur montre, ils ont la nouvelle fonctionnalité Force Touch. Fait que j'ai toujours trouvé que le mot Force Touch, c'était louche. Fait que bref, c'est dans le même mood. Donc, les joyeux festins, les mascottes bizarres, les petits terrains de jeu qui n'ont plus vraiment nulle part, mais quand même, ils savent comment vous attirer. Et maintenant, ils ont créé quelque chose d'autre de cool. C'est un sac qui se transforme en cabaret. Hein? Ah? Oui, donc c'est chez McDonald's, c'est clair. C'est un peu comme Transformer, peut-être pas aussi cool qu'Optimus Prime, nous dit l'article, mais ils ont refait leur sac de papier avec une bande de trucs que tu peux déchirer. Une lanière déchirable, ouais. Bref, si on veut. Et si tu déchires ça, le dessous, le fond du sac devient un cabaret. Mmh. C'est le bag trick qui a été développé par McDonald's en Hongrie. Oui, Hungary. J'adore le... Oh. Oh, oui. Et l'agence DDB Budapest. Donc, le bas du sac qui est eco-friendly, donc très écologique. Le sac est recyclable. C'est fait de carton renforcé pour pouvoir sécuritairement tenir son repas sans que les lignes pointillées, c'est les pointillés que je cherchais tantôt, sans que les pointillés se déchirent tout seul. On s'est fait pour tenir, mais quand même de se découper par les pointillés quand tu le veux. Donc, vraiment une excellente, excellente idée. Ça me plaît vraiment beaucoup. Ça et le cabaret clavier de chez PFK, là. Tu combines ça en une seule chaîne, PF Donald ou McDonald's, ou quelque chose comme ça. T'as pas le choix, là. Ensuite, c'est un réplicateur, un copieur, un doubleur de nourriture qui fait un petit peu Star Trek. Hein? Donc, tu vas voir la machine, tu lui dis ce que tu veux manger et voilà, sort tout à fait chaud un repas en presque pas de temps. Mais c'est une compagnie... N'importe quoi. N'importe quoi. Mais pas n'importe quoi. C'est une compagnie israélienne qui dit avoir créé la technologie qui imite les machines à nourriture futuristes. Donc, c'est un appareil contrôlé par une application téléphone cellulaire qui s'appelle le Genie. Et ça utilise des pods, donc un peu comme une Keurig, de différents ingrédients alimentaires et de nourriture gelée à sec, là, freeze-dried qu'on appelle en anglais. Je sais pas comment on dit ça en français. Surgelé, à sec. En tout cas, bref. Ces poudres-là sont mélangées ensemble pour créer le repas de votre choix. Donc, vous pouvez manger n'importe quoi comme des nouilles ramen, un soufflé au chocolat. En moins d'une minute, et votre repas est prêt et chaud. C'est vraiment comme un Keurig de nourriture. La machine va être en vente aux États-Unis l'an prochain pour environ 300$. On ne sait pas encore donc, si ça sert au Canada. 300$. Le Keurig fait dur avec sa machine à 1500$. C'est... Hey, réveille! Puis ils ont pas d'infopub de débutants, eux autres, là. Hey, wow! Est-ce que tu te rappelles, Steph, à un moment donné, et là j'avance des affaires parce que j'ai essayé de la trouver en même temps que la chanson jouait et j'ai pas réussi parce que je crois que c'est finalement pas le même nom qu'on avait choisi à la base. Mais tu te rappelles d'une publicité qu'on avait regardée ensemble où quelqu'un se mettait à licher plein d'affaires? Ouais. Tu te rappelles de ça? Oui. Tu te rappelles-tu ce que c'était le produit? C'était une boisson gazeuse. Ouais. C'était quoi le nom? Je m'en souviens pas du nom. Ben moi non plus, c'est ça l'affaire, parce que sinon j'aurais essayé de retrouver la publicité. Non, c'est ça, c'était une boisson gazeuse québécoise. Ouais, mais ça c'était pas une année ou quelque chose de même. L'année de découverte de quelque chose. Puis c'était genre goûter Montréal, quelque chose comme ça. C'est bon ça, je sais pas comment je ferais en fait pour le retrouver, tu sais. Ce serait genre sûrement dans une vieille chronique du bloc pub sur le site web. En tout cas, je la retrouverai plus tard, l'important c'est que je vais vous trouver le produit que j'ai vu en épicerie récemment. Attention, magie! Me revoilà. Et ça s'appelle ici Beck Cola biologique. Je sais pas. C'est au sirop d'érable. Du cola biologique au sirop d'érable. Et c'est en effet Beck Cola certifié Écocert Canada, embouteillé par Cidrerie Solaire. C'est un produit du Québec. Hey, puis même, tu vois que c'est fait à la main. Le niveau de liqueur est pas le même dans chacune des bouteilles. C'est vrai, il n'y a pas la même quantité, tout à fait. C'est 4 bouteilles de 275 ml chaque. Les ingrédients sont les suivants. Eau filtrée gazéifiée, sirop d'érable en deuxième place biologique, sucre biologique, du vrai sucre. Dans du coup, ben là, oui. C'est rare. Non, mais pour vrai, c'est rare. Non, mais là, t'as pas le choix. C'est un vrai produit. Acide citrique, colorant caramel, pour rendre ça brun. Colorant caramel biologique. Et essence de cola biologique. Je sais pas ce que c'est de l'essence de cola, sûrement la feuille du... Ça, c'est ça, cola? Hein? C'est quoi déjà, cola? Je suis dessus. En tout cas, on n'est pas là pour c'est vous renseigner. C'est de la cocaïne là-dedans. Arrête donc. Produit du Québec, c'est ça, consigné là où prescrit, doit être conservé à l'abri de la lumière. Intéressant. Comme c'est québécois, là, je dis des détails, là, vous allez me dire que c'est un détail, mais je trouve ça drôle. Moi. Vu que c'est québécois, c'est marqué « Servir bien frette entre 4 et 8 degrés Celsius ». C'est marqué ça. Ben frette. Ah. Dévissable. Ça, c'est bon parce qu'on n'a pas d'ouvre-bouteille. Ben oui. Mais j'étais certaine que tu n'en aurais pas amené. Fait que je me posais la question. Ça, c'est clair. Ben, ça aurait pu aussi que j'amène de l'alcool parce que je t'amène de l'alcool plein de fois quand tu es ensemble. Ouais. carton fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés. Quand même bien. Donc, un petit bec n'a jamais fait de mal à personne, nous disent-ils. Bec Cola est un rafraîchissement qui célèbre les saveurs de notre terroir. C'est une boisson gazeuse sucrée au sirop d'érable et préparée à base d'ingrédients biologiques. Un goût québécois authentique. Quoi de mieux pour se remettre sur le piton? Et encore une fois, vu que c'est québécois et que ça va peut-être être exporté ailleurs, il y a une petite bulle qui est marquée un bec avec une petite étoile. Et l'étoile fait référence à un baiser. Ah. Pour ceux qui ne comprendraient pas ce que c'est un bec. Qui c'est le nom, intéressant. C'est vraiment bien. Là, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Mais tu n'as pas dit de quoi ça avait l'air, l'emballage? Ben c'est ça. En dessous, tu as presque une nappe rouge et blanche classique, mais à la place, c'est bleu. Donc, c'est un genre de chemise de bûcheron. Il fallait que ça soit bleu hein, pour que ça fasse québécois. Exactement. Pas de rouge là-dessus. Et de toute façon, rouge étant la couleur de Coke aussi, mais bleu étant la couleur de Pepsi. Boah! C'est ça. Sinon, c'est très, très moitié carton original, pas coloré, et moitié bleu, en bande, si on veut. Il y a les détails, dans le fond, l'environnement détail est en bleu, et le reste est toujours en carton. Ça a pas l'air d'être un carton ciré, hein? Ça a l'air d'être un carton brut, là. Brut, vraiment, ça fait pas bois, là, mais ça fait... Rustique, d'antan, quelque chose comme ça. Rusquite. On va essayer de juste regarder une bouteille. On boirait ça dans un chalet, hein? Tellement. Hey, j'aimerais ça regarder en même temps. Ah, toi, ben est-ce oui. que ça te tente? On va décrire ça à deux. Oh, et comme toute slim et tout agréable. Oui, et t'as quand même le 275 ml qui est pas mal le classique habituellement pour une bouteille de vitre, il me semble bien. Elle est transparente. Il n'y a aucun détail, il n'y a même pas de bleu dessus, il n'y a pas aucun accent, aucune couleur. C'est très puriste. Très minimaliste, oui. Donc, on voit le logo Beck Cola, avec c'est marqué au sirop d'érable, with maple syrup, biologic organic. Vois-tu d'autres choses intéressantes? Non. Élaboré au Québec, produit du terroir. Contrairement à nous, où on dit produit du tiroir dans une grosse pointe d'adresse. Ben oui. On dit pas assez, mais quand même. Il n'y a pas grand information de plus. Partagez vos becs avec bec-cola.com. Sinon, un bec, hashtag un bec ou à commercial bec-cola sur Twitter. Hey, c'est vraiment cool. C'est parfait. Je pense que c'est un bon achat. J'ai vraiment. Je mets la barre très haute là-dessus pour que ce soit vraiment très bon. Ben, j'imagine, là. Fait que moi, j'ai très hâte de goûter à ça. On ouvre dans le micro magique. C'est un bouton dévissable. Un bouchon. Un bouton. Le bouton sur lequel j'appuie, peut-être. Oh, yeah. ça se dévisse très bien. Est-ce que tu penses que je peux l'ouvrir sans mon chandail? Oui, je peux. Ben oui, c'est ça, je dis que ça se dévisse très bien, je l'ai faite, moi. Et évidemment, Steph, j'aurais aimé la porter froide. À l'épicerie, c'était tablette et on n'a pas de réfrigérateur ici, donc ça va être... Mais, tu l'as acheté en t'en venant, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça, parce que je suis de même. Parce que moi, je suis allée hier et j'ai quand même mis un ice pack dans mon sac pour garder mon thé glacé et mon yogourt froid. T'as vraiment douté? Tu pensais que j'allais faire ça à l'avance? Tu penses? Vraiment? Parce qu'à date, c'est jamais arrivé. En tout cas. OK, goûtons. Mais on sent, là. Mais je trouve que ça sent pas beaucoup l'érable. Non, et ça sent pas vraiment la liqueur tant que ça. Un peu, là. Ben, c'est pas supposé être... Oui, c'est supposé être un call-off. Ben, ouais. Est-ce que ça a fait un gros pich quand tu l'as ouvert? Quand même léger. Léger, hein. Ouais. Ça a pas l'air super appétissant en le regardant. Ça a l'air siroté. En l'écoutant non plus. T'as tes écouteurs. Ça a l'air siroteux. Pourquoi pas? Ben, c'est du sirop d'érable. Ben oui, mais là, c'est une liqueur pareil. On dit pas siropeux? Ouais, non. OK. Siroteux. Parce que sirop, S-I-R-O-T. C'est parce qu'il faut que tu boives ça avec un hot dog. C'est ça. À ta santé. Ouais, toi aussi. Il y a des bulles, très légères bulles. Très légèrement pétillant. Oui. Très légèrement à l'érable aussi. Très légèrement. Et pourtant, c'est en deuxième place, hein? Oui. Mais ça reste bon, mais ça goûte pas la liqueur, je trouve. Peut-être s'il avait été plus froid. Où as-tu acheté cette petite chose? Moi, je le trouve quand même assez froid pour moi. Chez Métro. D'accord. C'est près des pizzas congelées dans le milieu de l'allée, à droite. Moi, je le trouve température correcte. Il n'est pas trop chaud. Parce qu'il il n'est pas chaud. Il était sur un congélateur. Fait que je me disais qu'il était quand même bien classé pour être froid. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est quand même bon, mais... On dirait qu'il y a une petite arrière-goût que je suis pas certaine. Tu trouves pas que ça goûte... C'est con parce que c'est pas diète, là, mais ça goûte un peu diète. Oui, je sais pas c'est quoi qui goûte ça. Ça goûte le RC Cola, un peu. Non? C'est pas bon, ça, hein? Ben, quand j'étais jeune, c'est je me rappelle... C'est pas un compliment, mais ça... Non, ben c'est ça. Ça dépend des gens. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, le RC Cola, c'était la meilleure alternative à de la liqueur chère. Oui. Je crois que c'était bon. Ben oui. Mais, en effet, c'est pas un compliment comme dans genre « Wow, t'es tellement bon, t'es quasiment aussi bon qu'RC Cola. » Genre, c'est pas ça, ça marche pas. Moi, je trouve que, tu sais, les gens pourraient en acheter. Premièrement, bon, je me rappelle pas, là, je pense que c'est comme... Parce que je sais que les gens aiment ça savoir, mais c'est comme genre 9$ pour 4 bouteilles. Fait que c'est quand même pas mal plus cher que du vrai cola. Fait que t'achèterais pas ça juste pour encourager une compagnie québécoise, non? Peut-être. C'est un peu cher pour encourager une compagnie québécoise. Ben, ça dépend. Si toi, ça tient à cœur de consommer des choses biologiques, puis que tu gagnes bien ta vie, pourquoi pas? C'est ça. 8,29 en passant. 8,29. Moi, j'irais pas rechercher ce produit-là pour le goût de cola ou le goût d'érable. Surtout pas le goût d'érable. C'est très ça léger. Goûte. Ça goûte pas plus. On dirait que plus j'en bois, moins je le goûte. Exact. Ce qui devrait être le contraire. Tout à fait d'accord avec toi. Mais je suis content d'avoir essayé. Ben oui. Puis je vais probablement un jour, comme tu sais, un genre de gâterie, après c'est acheter une caisse de bière, une petite caisse de liqueur à l'érable, je trouve que ça fait un job pareil. Ouais, mais ça goûte pas l'érable. Ça goûte pas tant l'érable. C'est ça l'affaire. Peut-être si tu te rajoutes un petit peu de sirop d'érable dedans. Tu sais, parce que tu peux rajouter du sirop d'érable à ton café. Tant qu'à faire, je veux dire, attends. Tant qu'à ça, achète-toi du coureur des bois. C'est ça, exact. Tu sais, l'autre fois, il y avait une photo, un meme qui passait sur Internet de coke cerise, puis c'était comme le gars prenait du coke, puis faisait juste rajouter du sirop de cerise dedans, puis ça faisait la même maudite affaire. C'est vrai. Ça. C'est vrai, pareil. Il y a ça. Mais ça, c'est fait au Québec. Oui. Avec la sueur de leur front. J'espère pas dans la bouteille. C'est sûr que peut-être quelqu'un qui ne boit jamais de boisson gazeuse, puis qui décide, lui, consomme ça une fois par année, ben ça peut être une belle alternative. Tout à fait. Mais conseil à la compagnie, rajouter de la saveur d'érable dedans. Oui. Vraiment. Ben, pas de la saveur, mettez du sirop d'érable, carrément. On l'a dit, c'était pas de la saveur. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est le Beck Cola. Au sirop d'érable, je sais pas si c'est vraiment la même pub que ce qu'on avait fait jouer à Assemblage Requis avec le gars qui lichait partout, mais non. Une liqueur québécoise, il y en a pas mille. Non, mais c'est, ça peut pas être ça. Non. Bref, c'est pas important et il nous reste juste assez de temps c'est pour... c'est pas importé non plus. C'est pas importé. Je suis en train de dire ça, je crois ça. Juste assez de temps pour ton produit, mais avant ça, quand même, quelques petites nouvelles de fast-food avant de transitionner. Pour commencer, c'est Disney qui va ouvrir un bar à thématique d'Indiana Jones. Okay. Ça s'appelle Downtown Disney à Orlando, en Floride, qui vient d'annoncer un parc thématique, pas un parc, un bar thématique. Pardon, la liqueur. Hein. à thématique d'Indiana Jones. Quand même excitant, c'est le Jack Lindsay's Anger Bar. On va pouvoir s'asseoir à 150 personnes. Ça va ouvrir cet automne. Le décor va faire des rappels, évidemment, à la série de films. Le bar va avoir... attends un peu, je connais pas les détails. Dry Dock Steamboat, named Richie. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et des murs avec des posters de voyage, des cartes postales, pareil comme le décor dans les films d'Indiana Jones. Le bar va servir des cocktails et plusieurs petites assiettes de repas thématiques, comme les Rolling Boulder Meatballs, des boules de viande, mais comme le Rolling Boulder, c'est la grosse roche qui fonce sur Indiana Jones puis qui court devant. Ouais. Mais en boule de viande. Ça, tu veux qu'il te fonce dedans. Fonce-moi. Ah ouais, là. Donc voilà, c'est joli. Il y a des dessins en ce moment sur assemblagerequis.com. On ne sait pas si ça va avoir l'air de ça exactement, mais ça va être c'est intéressant. Faut vraiment que tu connaisses les films pour connaître les références quand tu vas là-dedans. Ce qui n'est pas mon cas, c'est pour ça qu'on passe très vite dessus. Comment faire vos propres bonbons blocs Lego, mais en gummy bear? Tu sais, les gummy bears, mais en forme de blocs Lego. Wow. Et mangeable, wow. Et fait par toi-même. Mmh. C'est un Instructables, c'est sur le site instructables.com. Les gens peuvent proposer des choses do-it-yourself. Donc, c'est SF Handyman qui nous détaille comment faire nos propres blocs Lego avec des gummy bears. C'est pas super compliqué. Ça va sûrement goûter pas mal meilleur que des vrais blocs Lego. Si vous avez déjà goûté, ça a bien beau être trempé dans n'importe quelle trempette, c'est quand même pas non, super bon. C'est assez rigide. C'est ça. Vous pouvez aller voir une petite vidéo du produit fini. Évidemment, on a ici fait des bonhommes Lego, des blocs 4x2, des 2x2, des 1x2, des... tu sais, plein d'affaires comme ça. Donc, allez voir les instructions sur assemblagerequis.com. Ensuite, comme nos ancêtres le faisaient, dit l'article, c'est faire griller du steak sur de la lave, Steph. Ah ouais, faisais oui. Ça? Je pense pas, non. Donc, c'est ça, c'est une vidéo de Syracuse University, leur Lava Project. C'est deux gars qui font griller des steaks, du saumon et des hot dogs sur de la lave, mais pas de la lave sortie d'un volcan, de la lave créée par l'homme. Ils ont créé de la lave. Ils ont fait fondre la roche. Genre, finalement. C'est hot en tabarnouche. Créer de la lave. Y a-tu quelque chose de plus beau dans la vie que de la lave? Pas vraiment. Ben, je sais. C'est pas le genre de truc que j'ai eu l'occasion d'observer souvent. En vidéo HD sur YouTube, sur une grosse TV. C'est beau. C'est beau. Là. Tu fais ça souvent? C'est toi? Beau, là. Voilà, on va faire cuire des burgers et de la viande sur de la lave, pour vrai, c'est rock entity, là, t'sais. Je sais pas, c'est les temps de cuisson, hein. Je sais pas. Comment tu calcules ça sur de la lave? C'est chaud. Trois secondes mais... à 1 million de Fahrenheit. Hein. On s'entend-tu que les d'autres qui font cuire ça sont en habit de pompier, là? Ils sont en chess, voyons. T'sais, je sais. Ouais. On dirait que c'est pas à portée de tous. Puis c'est drôle, tu sais, qu'on nous montre genre des steaks cuits sur la lave, mais les publicités sur le site où il y a l'article, ça nous annonce le nouveau petit matin au bacon de dos. C'est pas la même chose. C'est plate du bacon de dos. Je sais pas pourquoi les gens trippent sur du bacon de dos. Bref. Bon. Qu'est-ce qu'on a à dire? Il y avait. Tapper. Ah ouais, c'est ça. Non, j'essaie de. Oui. Voilà. Il en restait deux, les deux derniers de ce groupe-là. Allons-y avec Burger King. OK? Burger King, qui va tester des hot dogs et des corn dogs. Ça, c'est des pogo. Mm-hmm. Dans leur restaurant, parce que pourquoi pas? 1,50 par hot dog ou par corn dogs, et c'est des hot dogs grillés, pas des hot dogs stimés. Donc, c'est Burger King qu'on avait appris l'année passée qu'il allait servir des hot dogs et des hamburgers pour déjeuner. Donc, on a fini par l'accepter, mais là, il nous arrive avec une autre affaire encore. Des corn dogs pour 1,50$ chaque et des hot dogs grillés, de la même façon que les burgers de Burger King, avec ketchup, moutarde, oignon et relish pour 1,99$ chaque. Dans ce cas-ci, 1,49$ pour le pogo. Voilà. Chez Burger King, drôle d'idée. Pourquoi pas? Il y a des hot dogs, ça va dessus chez AW. As-tu déjà vu quelqu'un prendre un whistle dog chez AW? Jamais de ma vie. Non. Vous êtes les mêmes saucisses depuis 10 ans. Je vois pas qui prend des hot dogs chez AW. La seule place où se prend des hot dogs, c'est chez Valentine. C'est exact. Dans les fast-foods, c'est pas mal la seule. En fait, à part AW et Valentine, qui sert les hot dogs dans les fast-foods? Plein de poutine? Donc, tu vas le payer 8 piastres. Ben, je sais pas. Sinon, c'est des patates frites sur le bord de la route. C'est ça. Moi, je parle des fast-foods, ouais. Genre restaurants. Sit-down restaurants. En tout cas. Voilà. Bon, pour mes nouvelles, il nous restait un dernier produit de ta part. Oui. Je crois. Est-ce qu'on y va tout de suite? Allons-y. Drette, là. Ouais, hey, pas de problème. Je plonge dans mon sac. Oh, yabadou. Je sais pas si t'as vu ça. Une nouvelle saveur de chocolat Lindt. OK. Au sésame? Ouais, t'avais pas vu ça? C'est non mais bizarre. Donc, Lindt, c'est écrit nouveau, là. C'est vraiment nouveau. Je l'ai vu passer parce là, avec une pub. Jamais c'était écrit nouveau. Ça quand c'est pas nouveau. Oui. Donc, c'est du chocolat noir avec graines de sésame caramélisées. Donc, c'est le même format que les tablettes qu'on est habitué de voir, là, oui. le 100 grammes, la grosse palette. Là, on parle, parce qu'il y a plusieurs catégories, on parle des barres avec le fond blanc et les lettres dorées excellence. Exactement. Parce qu'il y a plusieurs, là, les autres. Oui, c'est sûr. C'est pas les cheap là, qui vendent à la caisse, une fois rendu à la caisse. Là. Ils sont pas loin de la caisse. Oui, j'ai autre. Mais non, c'est pas le... Le cheap. C'est ça. Chocolat au lait. Donc, éveillez vos sens avec une expérience sublime en matière de chocolat, Lindt Excellence. Vous découvrirez toute l'expertise et la passion de nos maîtres chocolatiers qui marient avec brio les fèves de cacao les plus aromatiques avec les meilleurs ingrédients qui soient pour créer un chocolat au goût intense à la texture raffinée. Toujours vrai, ça. Donc, je trouve ça plate parce qu'ils ne parlent pas de ce produit-là en particulier. Non, ça décrit Lindt au complet. C'est ça. Donc, on n'a pas plus d'informations sur à part que ce sont des graines de sésame caramélisées. C'est bon. Du pain au sésame, tout le monde sait que le sésame rajoute vraiment quelque chose dans le pain. Ben oui. Ben oui, le sésame, j'adore ça. Et c'est pas nécessairement salé, mais... Ben, si tu mets du sel, ça va être salé. C'est ça. Mais je me demande ce que ça va donner comme goût. Ça ne donnera pas du sucré salé tellement. Vous n'avez aucune espèce d'idée. C'est curieux. Hein? On est curieux. Bon, dit bonne idée, ça. Donc, on ouvre ça. T'as pas le micro magique. Dis pas sésame, ouvre-toi. Trop facile. Non. Hey, wow, la violence, là. Wow. Hey. Tu prends pour qui, ça? L'es-tu violenté? Je vais péter la palette en deux. Pète la palette en deux. Ah, oh, je suis pas sûre qu'elle est en deux, mais ça me semble être un chiffre impair. De... En tout cas, elle est pas lette. Je remplis le temps. Ouais, je vois ça. En étant qu'à ça, Minton. Faudrait que je me lève pour mettre une toune, ça me parle pas. On a assez mangé pour que j'aie pas à me lever, s'il te plaît. Donc, j'essaie de t'envoyer ça. Donc, je t'ai envoyé 4 morceaux, si je ne m'abuse. Merci. Parce que j'ai vu... Mon 4 morceaux pèse un 4%, comme on a dit. Voilà, mais moi, j'aimerais ça, avoir mon 4% en chocolat. Imagines-tu? Est-ce qu'on regarde si c'est un chiffre pair ou impair de colonnes? C'est un chiffre pair, c'est deux gros carrés. Non, mais t'en as 4. J'en ai 4. Ah, tu l'avais déjà dit. Ouais, c'est ça, mais 4, moi, j'en ai 6. De long. Oui, Steph. Fait que ça fait... je pouvais pas le péter en milieu. Fait que, hey, si tu regardes la tranche, c'est plein de mini-graines de sésame. C'est vrai. Et c'est ligné en diagonale sur le dessus avec le logo de Lynn sur chaque. Et on voit en dessous qu'il y a du sésame dans à peu près chaque millimètre carré. Il y en a beaucoup. Je me demande si ça va donner la même texture que, tu sais, les chocolats avec le riz à l'intérieur. C'est ça, j'allais dire, une crunch, mettons. Là. Puis que c'est super bon, c'est mais écœurant. Là, avec du vrai chocolat de qualité. Mais trouves-tu, toi, que les crunch, puis je sais que c'est une parenthèse, mais crunch, là, c'est jamais assez épais. Je trouve que j'en prendrais plus. Fait que ça, oui. C'est très, très mince. C'est quoi? C'est genre même pas 3-4 mm d'épais. Oui, mais ça reste que c'est juste 100 grammes, mais de bon chocolat. C'est vrai. Donc, j'ai hâte de voir à ta santé. T'es comment à la défense de Nîmes? J'ai l'impression de manger une tranche de pain au sésame avec du Nutella dessus. Wow! Je pourrais pas faire mieux que ça. C'est ce que ça goûte. Ouais. Et dans le bon sens, ça goûte pas du tout comme une crunch, je pense. Non. Mais on a le petit côté croquant très, très, très agréable. Mm-hmm. C'est vraiment, ça goûte, toi, les céréales. Ça goûte vraiment le sésame, là. Vraiment. Beaucoup plus que beaucoup d'autres barlines qui ont supposément un petit goût, puis tu goûtes pas tellement. J'aime ça. C'est la personne qui a eu cette idée-là, je sais pas vraiment comment elle l'a fait. Parce que c'est pas une idée que personne aurait. Mais ça vient probablement du, comme t'as dit, fait qu'elle mangeait des toasts au Nutella. Parce que c'est ça que ça goûte. Mais faut dire que ça doit être d'inspiration asiatique. Mm-hmm. Il y avait des Kit Kat au wasabi, des trucs comme ça. Donc, sésame dans nourriture asiatique. Je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là en regardant ce genre de chocolat-là. La toune, Sésame Mucho. Là, ça. Pardon? Sésame Mucho, il n'y a pas une toune là. Nicolas, tu connais, là. Non. Ouais. Moi aussi, que je chante beaucoup de chansons asiatiques. Ouais, ouais. Nicolas, tu connais. C'est super bon. Super bon. C'est crunchy, léger. Juste un petit arrière-goût délicat, pas trop, puis pas trop peu non plus. Juste correct, c'est ça. Merveilleux. Puis de chocolat noir, c'est-tu bon? Miam. Wow! Encore un autre succès. On n'a pas eu beaucoup d'échecs aujourd'hui, je trouve. Non! Je pense que je dirais, je suis en grain positif sur tous les produits. Je pense pas que je suis en grain négatif sur grand chose. La liqueur me déçoit, mais je serais pas négatif dessus. Non, pas à ce point-là. Je dirais peut-être les deux trucs à boire. Nesty, qui était, tu sais, je veux dire, rien d'extraordinaire, mais ça reste. Ça réinvente rien. Mais ça reste bon. Tout comme la liqueur à l'érable, c'est pas extraordinaire, mais ça reste bon. Tout à fait. C'est bien dit, ça, Steph. C'est un bon résumé de la chose. D'ailleurs, on va faire tantôt un petit résumé des produits qu'on a goûtés. Mais avant ça, en fait, je pense qu'on va faire ça, là. Oui, voilà. C'est pas dur, là. Donc, on va résumer dans l'ordre. Non, on n'essaiera pas de faire ça dans l'ordre. Mais oui, dans l'ordre. Pas de problème. On a commencé avec tes pêle-mêles, c'est ça? Oui, donc, les pêle-mêles de Cheetos, ce sont quatre formes avec quatre saveurs différentes de fromage, en fait. Toutes des crottes de fromage. Donc, cheddar jalapeno, cheddar chipotle, cheddar tout court et sel... Chacha piquante. Tu parles tellement bien. Donc, un petit mélange de toutes sortes de Cheetos. Il nous manquait des photos, fait qu'on va profiter de cette période de fin d'émission pour prendre en photo les produits qu'il nous manquait. Ensuite, on a fait, de mon côté, c'était... Les Miss Vickies. Les chips barbecue fumé, pommier, quelque chose. Ouais, donc barbecue fumé au bois de pommier. Donc, on a tout le bon goût des chips barbecue à l'ancienne de Lay's, mais sur des bonnes chips Miss Vickies cuites à la marmite. On adore ça. C'est un franc succès. Génial. Ensuite, on a bu un petit peu avec toi le Nesté au bleuet. Oui, bleuet et menthe. Mm-hmm. Oublie pas la menthe. Très, très léger en goût. Très rafraîchissant. C'est sûr, faut pas... C'est comme entre l'eau aromatisée et le jus. Donc, un petit compromis entre les deux. Et c'est très bon. Les deux saveurs sont très présentes. En fait, les trois saveurs, on a le thé, le bleuet et la menthe qui sont présent, je trouve, dans un bon ratio. Mm-hmm. De mon côté, on a goûté la grosse bite de Russell Stover. C'était les s'mores, version normale et version caramélisée. C'est ça, donc un s'more géant que j'ai engouffré à une vitesse incroyable. C'était vraiment très, très bon. Ça mélange parfaitement le croquant et le crémeux à la fois. Même si j'avais pas de caramel, c'était crémeux. La guimauve était vraiment très, très tendre. C'est ça que j'ai apprécié. Ouh. Donc, je pense que c'était quelque chose de délicieux que je vais me racheter. Après ça, on est passé à ton yogourt au Oreo. Oui, le Yo Crunch. Yo-yo, les enfants, mangez du yogourt! Ça, c'est extrême. Il aurait dû avoir un X dedans, puis ça aurait été encore plus extrême. Yo Crunch Extreme. Oh, mon Dieu. Non, ça, le Extreme, ça, c'est un petit truc de yogourt sur le dessus, mettre dans tes Oreos. Donc, c'est ça, c'est un petit yogourt à la vanille dans lequel on peut ajouter... on ajoute, parce que dans le fond, c'est le but de l'achat. Donc, on ajoute des grains de Oreo. Donc, ça nous fait un McFlurry version yogourt, un peu plus santé. Et on a aussi la version mini M&M disponible, toujours en épicerie. Mm-hmm. Moi, de mon côté, c'était le Beck Cola au sirop d'érable. Allez voir leur site web au beck-cola.com. C'est complètement québécois, ça goûte un petit peu l'érable passe. Mais bon, ça résume pas mal. Voilà, et on a fini avec le chocolat Lindt aux graines de sésame, donc chocolat noir. C'est toi qui as l'emballage en carton, si jamais tu veux prendre une photo pour mettre sur la page Facebook. Donc, c'est nouveau, c'est du chocolat noir. Full graines de sésame, donc super bon, croquant, toast au Nutella, c'est bon. On aime ça. J'ai pris la photo à l'envers parce que je veux pas faire de dégâts. Donc, on a fait quoi? 8 produits aujourd'hui? Oui! Hey! 2h05, 10. Pas de doublons. Non. Rien que l'autre n'avait goûté non plus. Non. Un franc succès aujourd'hui. Caroline, des émissions de même, hein? C'est le fun. Et c'était toutes des surprises. Tout à fait. On s'est pas appelé rien, là. On n'a pas rien que ça à faire, se parler. Hey, on s'est parlé une fois, là, genre 2 semaines. Hey, faudrait bien qu'un moment donné, on fasse une émission. On s'est rejoint il y a 2 jours. Hey, on fait ça. Voilà. Et on l'a fait. Voilà. Hey, on n'a pas tant niaisé, là. Non, des travailleurs, nous autres. On travaille pour vous autres et notre estomac aussi. Mais pas pour notre portefeuille. Détail. Hey, faut manger dans la vie, là. C'est une fois dans l'été. C'est ça. Ça fait un mois et demi, j'ai pas fait d'épicerie, là, pour cotiser l'émission. C'est ça. Puis la prochaine fois, quand tu reviendras puis t'auras accouché, on mangera ton placenta ensemble. On l'ouvre dans le micro? Hey, juste pour ça, j'ai le goût de payer quelqu'un pour me l'encapsuler pour pouvoir t'amener ça. Fais-lui les petites pilules, là. Ouais, il y a ça, hein. Ouais, il y en a que tu peux le faire déshydrater, le faire encapsuler. Et tu peux le consommer comme ça. Et ça, supposément que ça préviendrait le syndrome du postpartum. Ah, ouais. Il y en a d'autres un peu plus extrémistes qui vont vraiment le conserver au frais et en faire un rituel et le manger en famille. Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut en manger aussi, ton placenta? Oui. Il y en a qui mangent ça en famille, là, qui vont vraiment peut-être faire un ragoût, quelque chose comme ça. C'est plein de faire. Wow! Faut le faire, hein? Est-ce que SNL a fait un sketch genre émission pour enfants postpartum? C'est drôle, ça. Avec un placenta? Ouais. C'est sur un placenta, la vedette, genre. Postpartum. Ouais. Les placentas. C'est le début d'une nouvelle saison. C'est notre première semaine en onde, on l'a dit. On est tous fatigués. J'espère que vous commencez à vous réveiller un petit peu pour réussir à vous rendre à vos cours. À cette heure-ci, j'imagine que vous êtes déjà en train d'entrer dans votre cours, sinon en retard, peut-être un peu, je pense. Ou ils attendent tous au Tim Hortons pour leur premier café de la journée. Ben, ça tombe bien parce qu'on veut parler de nourriture. Et quand on parle de nourriture à Assemblage Requis, ben, on appelle ça étrangement et ça n'a aucun rapport avec rien. Mais on appelle ça une grosse pointe d'adresse. Ben, c'est une grosse bonne adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à des produits achetés en épicerie ou en dépanneur. On appelle ça ici localement des produits du tiroir, et non pas du terroir, c'est comme ça qu'on fait ça. Et Tania, Tania. Oui. Je sais que, oui, pas Tania. Je sais que t'as jamais vécu cette chronique-là en personne. Non. Donc, il va falloir que je t'explique un petit peu. Je l'ai souvent entendu, par contre, j'en ai entendu parler. Oui. Et j'avais très hâte de la faire. Les lignes ne dérougissent plus. Et voilà. Non, c'est la collègue qu'on attend le plus. C'est pour ça qu'on la met à la fin de la semaine, pour se donner un petit bonbon à la fin.

et croquant aux noix, cannelle et arômes de pomme. De pomme. De pomme. De pomme de main. Je ne veux pas goûter à ta pomme de main. Or do I? De pomme. Merci, Tania. Et... sans les pommes en plastique. C'est ça. Et les liens sont sur assemblagerequis.com. www.assemblagerequis.com. Mais ça n'a plus.